Une caméra qui marche plus, puis moi je suis freezé. Oui. Ça va bien, ça va bien. On prenait ça au début. Il y a des erreurs avec la cam. Ça part fort. Fait qu'une cam sur trois qui marche. Fait qu'en audio, ça va être magique aussi. On est live. Hey, les boys, amenez-vous-en dans la caméra ici. Ouais, c'est ça. C'est un peu loin. Ouais. Là, ça fait dur parce que j'essaie de repartir la caméra pendant que je parle. Ah, c'est correct. Ouais. Bienvenue à la... En direct du bord des studios Yoc Media. Vous écoutez l'épisode numéro 121 de la saison 2024-2025 de la soirée du podcast. Dans la vraie vie, Jeff, il bouge, par exemple. Je vais essayer de m'ajuster pendant que je joue la musique, là, ici. Dans la vraie vie, il est pas immobile. Sac. Il juste des yeux, un peu. Hey! Oh! We're back! Il me reste moins. Est-ce que j'ai perdu mon son stéréo? Donc, pendant que le studio s'écroule... C'est le pire début de show qu'on a jamais eu. Tout t'arrête de lâcher. Pas le pire. Ouais, après, c'est ça le pire, c'est que c'est pas c'est le pire. Pas le pire. On a joué les pires que ça. On a déjà fallu qu'on recommence tout. Oui, c'est vrai. C'est arrivé, ça. Demi-heure rime. Donc, j'ai cherché le son dehors, au moins. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 37, Nick Chalifou. Micro, comme ça. Oui, le micro à la bonne place. Numéro 22, JF Mallette. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Et le numéro 75, votre animateur, JF Crown. Negroni. Beer. Smooth. That's so smooth. C'est un drink. Je me suis fait un Negroni. Ça fait sucré, c'est bon. C'est du gin avec du Saint-Anneau. C'est quoi ça, gin Saint-Anneau puis apérol. Voilà. Oh, wow. Avec une grosse glace. Oh, une grosse glace. Negroni, le seul drink que tu peux pas faire de contraction quand tu le nommes. Il n'y a pas de shortcut ce nom-là qui est acceptable. Ouais, mais tu peux en prendre là, mais ça, il est inacceptable. Ouais, je vais prendre un. Ouais, c'est ça. C'est... Peu importe ce que tu coupes, ça marche pas. Dans ce... Alors voilà. Il est déjà pas mal. Il dit pas mal ce qu'il est là. C'est épouvantable qu'on ait bu chaud. Soirée du podcast, émission de discussion sur le CH et la Ligue nationale. Et on vous en parle bien sûr avec passion, boisson et problèmes techniques. Des sujets chauds couverts par des gauchos. Negroni, ouais. C'est surtout des problèmes techniques. Faut que je revoie les caméras. Il se passe quelque chose. Il s'allâche sans arrêt. C'est plaisant. On a-tu un son pour partir le show avec un problème technique? Oui! Voilà! allons d'ailleurs partir tout ça là, rapidement. Là. Nice! On est revenu freezer sur le triplex ici. Ah, je sais qu'est-ce qui s'est passé. On n'était pas freezé tantôt, puis j'ai été... J'ai l'air de regarder Dave avec... Ouais, mais minute, je vais vous réarranger, là. Oh, Chris, les gars, faites du temps, si on n'avait pas de technique. Hey, c'est bien malade, ça. Non, mais on peut voir l'amour qu'Alex a pour Dave. Ouais, c'est ça. Tu regardes. Les petits yeux brillants. Ouais. Non, tabarnak, d'hostie, de calice. Ça date de longtemps, ces petits yeux-là brillants en regardant Dave. Oh, encore ça va bien, on est parti, on arrive. C'est 2025 hey. Pour tout le monde. Yeah. Okay. On vient de se réveiller, mes amis. Oh, mon on Dieu. Est arrivé, on est comme tabarnak. Je pense que c'est un bon moment pour commencer le show en disant qu'on vous invite à nous joindre à notre Patreon pour qu'on puisse fixer la console. Si c'est tout le setup. Moi, je pense que ça manque de whisky. Peut-être. Ouais. Oh, whisky. Ça compte déjà des shots. Whisky. Il n'y en a plus. Il est où le curry? Oh, Dave, il sort attends, un minute, sac là. Ici, là. Oh, mon oh! Dieu! Un Toki! Oh! C'est-tu le nouveau Toki LSDP? Tabarnak! Ouais. Parce qu'il y a eu des plaintes dans la famille. Je sais pas ici. Si c'est la même affaire, là. Ça ressemble beaucoup, en fait, là. C'est supposé être la même chose. Oui, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Ça sera le... Je me suis dit, Chris, on est bien à moitié. Ouais, ça va être le nouveau... on devait une bouteille. Shooter. Shooter de la soirée du podcast. Donc, exact, exact. Hey. J'ai des verres si on a besoin. Shooter! Shooter! Let's go! Yes! C'est... douce et épicée. Ouais, exactement. Ouais, c'est succulent. C'est tout succulent, bon. Parce que bon, il y a eu des plaintes là. Ouais, il y a eu des plaintes qu'on comme qu'on buvait du très bon whisky. Mais... Fait, qu'est-ce qu'on fait? On en rachète d'autres, on en pas le même. T'as enlevé. Bon, juste enlever le poêle qui est là, je le prendrai pas. Ah ben, compliment de la maison, ça, Dave. Tu peux le prendre. Donc, on va le prendre sans poêle. On aurait pu se préparer aussi avant de faire ça live. Mais non, c'est correct. Ça fait ça. Mais moi, j'en profite pour remercier la bonne radio. Nos Patreons, donc on a Jeff Lavoie qui a donné au début de la saison, qui est plus Patreon donateur, mais on le remercie pour son. Mais oui. 50$ qui a fait qu'on n'a pas acheté de Jameson, il n'a pas donné un autre 50$. Ouais, ça puis avec du bon Toki whisky à cause de ça. Sinon, Marc-Antoine vient, oui, Alex Neveu, Monseigneur Neveu de la Verne-Chère. Pascal Ayotte et également Éric Laforce et qui est Train Faucon. Yeah. Toujours un plaisir de jouer son animation. Ah, voilà, aussi. Oui, ligue, très fort. Merci pour vos dons. Merci pour vos dons, tout le monde. Votre 4 piastres par mois va finir par nous faire acheter du nouveau fil. Hey. T'as raison. Et peut-être donner des cours à Nick de commander son micro. On fait revenir Monsieur Mallet. Mais ouais, applaudissements de golf, tout le monde. Jeff Mallet qui est là, je pense. Bon, on a inversé des shooters. Mais Jeff, bon retour. Ben merci. Tu nous as manqué. Oui, ouais. Moi aussi, je vous ai manqué. Ça t'a manqué. Ça manquait de chiolage de Montembeau. Ouais. Ah, OK. Ben, tu vois, je me suis rechargé pour... C'est sûrement ses stats de début de demi-saison. Moi, je peux donner ses stats de Noël. Jeff Jesus, son calendrier partout, ses stats avec les... au couteau. Très ça dans ses poches. C'est un Reader's Digest pour moi. Fait que pendant que Dave sert tout ça, on va préparer la première. En fait, il y a un peu de chimie qui se passe ici. Là. Dave fait de la chimie, ça arrange pour que tout le monde ait une belle portion égale tout ça. Hey, merci, on va aller remettre ça. J'ai de quoi qui s'est. Nouvelle bouteille. On va refaire du ménage dans le bar. On l'a vidé, on l'a rendu. Je vais mettre un sticker SDP dessus, celle-là. C'est à nous. Donc voilà. Ici, ton shooter. Voilà. Donc on va aller faire la première période sur un shooter. Yeah. Donc, cheers, les boys. Première période. Cheers, guys. Hey, je l'ai dit mon shooter à Guillaume Latendresse. Je l'ai bu, qui est en rehab. Guillaume. C'est smooth. C'est smooth, ça. Quel short tu veux, Guillaume? Ça coule. C'est cool. Doudou. C'est bien. Les petits shooters. Toujours, ça déçoit jamais. Ça débloque le nez, ça. C'est tout doux. C'est tout doux, c'est tout doux. C'est comme du Vic. C'est surprenant à chaque fois. Que c'est bon. Alors, c'est bon. Je m'attends à un genre de quoi de... Puis là, finalement, tu fais comme, j'en prendrais un autre. Exactement. Ramène la bouteille. Une par épisode. T'as-tu un petit linge? Une par épisode. Un petit scot. Moi, je suis dans le fort. Je bois le shooter, je suis dans le Negroni. C'est 4 shooters. Tu sais, pour de vrai, une bouteille, c'est quoi? 4 shooters, 4-5 shooters chaque. Ouais, ça va vite. Plus 6 bières. Plus que ça. Plus 6 bières. Plus un apéro. Plus le char. Plus chauffé. Ouais. Fait que la période est commencée, messieurs, donc voilà. T'as-tu résumé de tous les matchs depuis non, on le fera pas. je m'en allais juste commencer avec une petite amélioration sur le layout du podcast. Si on a maintenant droit au chat live, ce qui est triste, c'est qu'il n'y a personne dans le chat en ce moment. Puis j'ai pas arrangé les cams non plus, ce que je vais faire dans la pause tantôt, donc on est freezé partout. Il faudrait avoir le son d'échec. Ah, puis on a encore un freezé, bon, super. C'est pas grave. Non, pas fusé. Okay. Parce qu'on bougeait pas. voilà. Tout va bien. C'est du divertissement de qualité en ce moment. Là. Oui, on peut fêter, on peut faire comme. Oui. puis c'est là que j'y ai dit. La caméra est fusée. Non, mais allons-y de bord directement avec le bip. Yeah. Hey, on a-tu évité la gang du temps des fêtes cette année? Chris, on n'a pas eu la gang, on a eu un succès. Je pense que genre la reconstruction marche, on évite la gang. C'était la première étape à passer. On a pété le mythe, le slum, c'était des fêtes. En deux podcasts, on l'a donné aux autres équipes. Très grosse séquence. De peu à un mois et demi, on a du fun à écouter la game. Père ou gun, on a du fun. Ah, j'ai du fun, moi je suis content. Ah, c'est juste ça dépend qui est là. Je suis content. Ah, ok, je suis content. Vous voulez commencer positif ou négatif à soir? Il n'y a pas un extrait de Terrien qui fait « je suis content, je suis content ». Il y en a pour quand on est content. Je suis content. Je suis content, puis je suis content d'en parler aussi. Bon, allons-y. On va donner le board à lui. Je suis content, mais content. C'est lui qui a les Q, hein. Nick va avoir le board. Ah oui, vos dons, on aura chacun un board de son. Ça ne sera pas du tout le bordel. On parle plus personne, on va juste payer du tout. Tu sais, dans Simpsons, l'épisode où c'est électrocute, là, ça va être ça. Qui pèse le plus, genre. Check bien celle-là. Fait qu'à la demande générale d'Alex, on va commencer à le positif. Ouais, fait que vas-y, JF, positif. Grand retour, là. Vas-y avec ton plus du. Ben, moi, dans le fond, je vois comme prendre mon plus depuis le début de la saison. Parce que, tu sais, on s'entend. Il a manqué 12 podcasts. Ouais, j'ai manqué tant que ça. Non. On a fait deux. Moi, dans le fond, je vais donner mon plus à Cole Caulfield. Oh, je m'explique. Cole Caulfield. Bon, Cole, l'année passée, il avait une bonne saison, mais tu sais, il n'a pas été comme un highlight. T'sais, c'était plus Slafkoski en fin de saison qui était un highlight, puis on a tous été voir Suzuki quasiment faire un point par match. Cette année, Caulfield, je trouve que c'était pas pour devenir un superstar vraiment là, de la NHL. Ce gars-là, il va faire 40 buts cette année. Peut-être il va faire mettons, entre 75-80 points. Fait que, il va faire pas loin d'un point par match. Tu vois que Caulfield, en entrevue, il a maturé. Il est beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Il est beaucoup plus. C'est moi qui ai juste les cams. Nick, il rit. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de drôle? Nick, il est cassé et il est tout croche. Moi, j'ai juste les cams live. Jeff m'a fendu en deux. C'est ça, on se regarde puis on fan. Là, c'est OK. Fait que là, Cole, ce que j'aime. Tu sais, je sais pas si tu l'avais remarqué en entrevue, là. Il a le manteau un petit peu plus haut que d'habitude. L'année passée, ou le manteau, années, ou le menton? Le menton. Okay. Il souriait, il faisait des jokes. Il avait l'air d'un enfant assis dans un magasin à bonbons. Là, il est sérieux, il envoie chier des journalistes. J'aime ça. Vous l'avez j'aime vu ça. Cette année quand comme envoie chier l'orange, là, l'orange? Le gars de la presse, là, le petit trou de cul. Là. Mais le gars, il avait dit... L'orange? Simon-Olivier Lorange. Puis là, il avait demandé à Cole, il dit, tu penses-tu que cette année, t'es meilleur à cause de ton opération à l'épaule? Puis tout ça, il dit, t'as-tu déjà été opéré, toi? Il me dit, non. Il dit, ben c'est ça. j'ai aimé ça. De voir de Cole. Il y a beaucoup plus d'assurance pour un gars de 5 pieds 2. T'aimes ça qu'il soit conquis les journalistes? Non, puis non seulement il score, non, mais oui, il rend ses coéquipiers sa glace encore meilleure. Fait que moi, en plus, je le donne à Cole. Félicitations, Cole. Je peux-tu rajouter un petit quelque chose, JF, là-dessus? Je trouve que depuis que Laine est arrivé, il a quand même continué à produire régulièrement quand même. Ouais. Je trouve qu'il joue une super bonne game, surtout à 5 contre 5. Il a comme accepté, bon, c'est pas moi qui va avoir le top shot en power play, mais il a pas lâché, il a continué à upper sa game, puis ça va bien. Fait good. Non, mais, le contraire de Koivu puis Kovalev. Les deux, ça se faisait chier parce que l'autre voulait être le joueur à poursuivre plus tard en discussion. Le gros avantage, je pense, de Cole cette année, mais on l'avait commencé à sentir un peu l'année passée, je pense, c'est que son jeu, comme pas juste autour du filet, là, comme dans la zone, à partir de la zone centrale jusqu'à la zone adverse, mettons, là, il est comme beaucoup plus efficace, il est capable de mieux contrôler le jeu comparativement à ce qu'il faisait moins ça avant un peu là, quand même. Là, il allait se positionner à la bonne place puis il attendait le shot un peu comme l'aîné fait. Ouais. Là, il contrôle plus le jeu, il participe. Il est fabricant de jeu aussi. Il fabrique les jeux avec d'autres joueurs, dont Hudson souvent. C'est pas rare que l'aîné score sur une passe de Hudson et Cole ou Suzuki. J'ai d'abord un scoop, les boys. Là. C'est Mikko Rantanen a été échangé aux Hurricanes de la Caroline. Oh! Sérieux? Ouais, ça est arrivé live là. C'est un échange à trois teams. J'ai pas de détails. Ça prend la. Ah, je l'ai pas sur le board. Le breaking news qu'on avait avant là, de la jazette. Breaking news. Excuse-moi, Dave, dans le fond. Un bon point. Nico se joint aux Hurricanes présentement. Vous l'auriez appris en primeur ici, les investisseurs live. Ouais, non, mais je viens de voir le trade, moi, avec, je lis sur mon téléphone, puis c'est ça, avec les Hurricanes, puis on sait pas plus de détails, mais ça, c'est probablement dire qu'il était dû pour re-signer, je pense, cette année, puis ça veut dire qu'il a pas pu, ou qu'ils ont pas pu le re-signer, ou qu'il c'est parce que ses demandes salariales sont élevées, ils demandent apparemment 14 millions par année. Hey, c'est énorme, parce que là, McKinnon puis lui, c'était un duo de fou depuis qu'ils étaient ensemble. Hey, ça va être gros. Là. Puis Hurricanes, ils vont trader qui les Hurricanes? Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir. D'après moi, ça va être un show repêchage, puis peut-être un jeune. Ça serait donc Kotkaniemi. Non, mais ça pourrait être. Si ça serait malade, ça, qu'il passe dans ça peut être Martin Nekas, ça aurait du sens. Nekas, il a signé 8.4, lui, cet été. Mais je pense que je trouve que c'est beaucoup donné pour un gars qui va faire juste la saison. Martin Neka. Hey, c'est nouveau la marque de linge Mecca. Mecca, non. Tout ce que je sais, c'est que. Il y a un latino criminel dans une série que j'écoute qui s'appelle Mecca. Mais on va suivre ça de près. C'est pas mieux ça non plus, c'est comme commentaire. On va suivre ça de près, dans le fond, d'ici la troisième période, pour ceux qui nous écoutent. Là, mais écoutez jusqu'à la fin. On va savoir où ce que Mikko a été échangé. Puis là, je parle pas de Koivu, je parle de Rantanen. Ouais. Là, il y a Power Jeff. Hey, Power Jeff! Fait qu'on va le mettre à l'écran, les gars. Check, let's go! Bon, il nous manque quelqu'un. C'est quelqu'un, pas lui qui nous promettait de nous donner de l'argent pour acheter des trucs. On va y geler, mais tu reviens. Oui. On va faire ça après. Bonne bière. On va revenir après ça en triplex que je donne une bière à Nick. Moretti. Pendant que. Moretti, s'il te plaît. Ils sont où, ils Moretti? Fait que là, les boys. Je n'ai bu une dans les fêtes d'ailleurs. Good. Pendant ce temps, c'est. Ils sont là pour ça. C'est quoi vos plus à vous? Non, mais si, je reste de ce bord de la table à droite. Premier essai, Montréal. C'est bon, c'est plus. Ouais. La dernière. Ok, vu que nous, c'est pas le début de la saison. Écoute, je voulais dire Caulfield, je vais dire autre chose. Ouais. Je vais me gâter vu que je suis le premier à parler, je vais y aller avec Laine. Bon. Laine, il est arrivé. J'étais de ceux qui pensaient qu'il allait pas tant changer rien parce que quand il avait été blessé, ça avait vraiment été de la merde. Puis jusqu'à temps qu'il arrive, le Canadien allait nulle part. C'était vraiment tout croche. Powerplay, c'était coussi-coussa. Il est arrivé, ça l'a amené de l'énergie. Changé, c'est une des bougies de l'image avec un autre défenseur qui est arrivé avec le Canadien récemment. 18 points, je pense que ça l'a aidé. L'année, pareil. L'année, ça a changé l'équipe. Le c'est deuxième fou, marqueur, je pense, en avantage numérique dans la Ligue. Puis il a été le meilleur marqueur au mois de décembre, je pense, en avantage numérique. Quelque chose comme ça. Ouais, solide. Wow, puis ça a été c'est excitant de le voir, même si en 5 contre 5, il est moyen, on va se dire. Mais il a amené quelque chose aussi. Il n'y a pas de grands atouts à part, mettons, son shot. Ben des fois, il plaque puis il fesse fort. C'est juste qu'il ne s'en sert pas souvent de son corps. Il perd souvent la rondelle, par exemple. Il a changé toute l'équipe puis il a rebalancé certaines choses. Le gars, tu vois qu'il y a des défauts. En power play, quand on est en power play, puis que le jeu préparé pour y donner la puck pour qu'il shoot marche pas, puis que là, il se ramasse avec la rondelle, puis c'est laborieux des fois. Ouais. Souvent, il va essayer de la passer plus vite au défenseur à Hudson ou quelqu'un genre qui sait qu'il va pouvoir faire de quoi rapide. Mais c'est correct. Shout-out à quiconque qui vient venir vous en, les petits gars. C'est un esti géant, man. Détail, mais j'aime ça. Il y a la bien à Montréal. Voilà pour mon plus. Ouais, puis tu sais, Lainé, il vient d'un milieu où il se faisait intimider par les joueurs des Jets. Il se faisait intimider par Mathieu Olivier. Non, je l'adore, il était cœur. Il a l'air heureux. Tu vois qu'il a commencé à s'habiller comme un peu comme un trans, mais tu vois qu'il est à l'aise ces temps-ci avec le club. Non, mais il a l'air d'avoir du fun, puis il a porté les couleurs de Rosemont, petite patrie. Oui, j'ai eu ça, c'est vrai. Charlotte a Pepe à cassette. Mais non, pour le reste, ce gars-là, s'il y a un plus depuis qu'il est revenu, c'est lui. Ça a tout changé la donne. Et voilà. Pour le vrai, on peut jamais pas penser. On va se bosser de la table maintenant. Donc, Dave ou Alex, allez-y. Les gars. L'autre lane. Ben oui. Lane! Fuck! L'autre lane. Ah, mais là, tout. C'est pas tête, c'est ça. Parce que j'ai pas pensé parce que je. C'est ça. Je parlais, là. Mais c'est ça. L'autre lane, c'est. Bouton! Parce qu'il est dans l'autre paire. Ça va prendre un board Excel plus gros. Ouais, c'est ça. Vous changez de page. Il y en a des gens de 16 par 16. Donnez généreusement. Oui, c'est ça. Écoute, meilleur pointeur chez les recrues pour un défenseur en plus. Ouais. Ben, il est meilleur pointeur chez attaquant, défenseur confondu. Genre, il est dans le top 10 des meilleurs défenseurs dans la ligue au complet. Ouais. Il y a plus de points que des gars comme Barkov. Puis écoute, j'ai vu une couple d'autres noms, là, des gars qui sont genre établis puis qui sont des gars importants pour leur équipe. Écoute, le jeune est de toutes les occasions. Il fait encore des erreurs en défense, mais il y a de la arme défensivement. Souvent, il se reprend lui-même. Exact. Parce que, justement, il y a de la arme puis il never fucking. Never fucking give up. Il est slow, il est pas vite, mais il y a un shot, de merde, mais son shot a du potentiel. Un shot de Pee-wee, qui avait dit ça, non? Un shot de Pee-wee. C'était Delorme. Delorme, c'est ça. Mais écoute, pour vrai, là, il y a meilleur shot qu'un Pee-wee, là, mais au niveau des passes puis de contrôle de la rondelle puis des jeux, écoute, man. Tu fais pas beaucoup mieux là, en ce moment. Non, puis on pensait au début de l'année que peut-être ces petites feintes d'épaule là, qui avaient l'air un peu cucu pour vrai. Là, quand tu vois ça, que ça allait à un moment donné comme stagner puis qu'il allait, le monde allait catcher. Non, il a continué à s'améliorer et à comprendre la game encore plus. Je pense que on a de quoi de bien. Là. Tu me fais penser à Brady Tkachuk qui a fait le singe devant Lane Hudson pour limiter un peu. Puis finalement, on avait compté. C'est ça, il a eu l'air d'un singe. Mais mettons, là, Lane Hudson, là, aujourd'hui, versus Subban qui a gagné le Norris, là, qui est meilleur? Qui est meilleur que Lane, entre Lane et Subban? Lane Hudson aujourd'hui versus le Subban qui a gagné le Norris. Moi, je vais dire Subban. Mais moi, Subban, quand il est arrivé, j'ai capoté. Puis ce gars-là comptait des buts. Il y avait une... La différence, il y avait un shape, d'un point de vue sa glace, Lane est meilleur sa glace que Subban a été, mais Subban amenait une personnalité, il était excitant, Lane, il est comme un peu son capitaine Suzuki, son plat à écouter. Il avait fait combien de points cette année-là, Subban? Subban, il avait fait, je pense, 54 points. On devrait se diriger vers ça. Ça devrait se rapprocher. Lane Hudson se dirige vers une saison de 70 points. Ouais, ouais, non, c'est ça. Cool. Je pense d'un 60. C'est qui le dernier défenseur que tu as vu qui a fait 60 points à Montréal? Matheson, il compte pas. C'est fou. Sorry, il a fait 30 buts, 30 passes, par semaine. Non, il n'a pas fait 30 buts. Il avait fait. Il était à 27. Il était à 1 du record pour les défenseurs. Quelque chose de même, là. Je sais pas, man. Non, mais il avait 60 points, je pense que c'est les passes d'une saison, quelque chose de même. Sorry, il a fait 60 points, je pense, l'année avant qu'il parte à Edmonton. Ouais, ouais. Mais Subban, écoute, quand il a gagné le Norris, je pense qu'il avait écoute, quasiment un point par match en ce temps-là. Il avait fait 26. Hudson, je l'aime bien, mais 26 buts, 64 points, il avait fait. 26, c'est pas assez gros. Bon, Hudson, il a du poids après, moi, je pense. C'était la dernière année qu'il a été avantagé. Ouais, ça va venir d'après moi. Tu dis Subban, mettons. Pendant son prime versus le Hudson aujourd'hui. Mais Subban, à son meilleur, c'est comme... T'sais, gagner un trophée Norris versus Hudson, là. Ben, c'est ça, moi, je dis Subban. Peut-être Subban à ce moment-là. Là, c'est juste plus complet. Je pense que dans l'ensemble de sa carrière, si on va, au final, on pourra mieux dire qui ouais, était ouais, meilleur. Je pense que Lane Hudson va dépasser Subban. Hudson, je pense qu'il est déjà... On compare un an. Talent offensif, oui. Subban, ça n'a jamais été le meilleur défenseur défensif. Il frappait. Mais il frappait. C'était un game changer dans le sens que ce gars-là changeait le momentum du game. Mais il amenait sa Lane, game, en ce moment, il n'a pas le même genre de game. Pas encore, en fait. Mais le gars, hey, il a 46 games. Ça, je donne à Subban aujourd'hui. L'année prochaine, mais il n'est pas loin. C'est dur à décider, gars. Ça crée. Parce que je pense que lui, il n'a pas changé. Combien de fois, par exemple, je ne pas. C'est débattable. Je suis pas tant d'accord parce que combien de fois que, mettons, Hudson a permis, en prolongation, il a préparé le jeu pour que Steve Suzuki ou quelqu'un d'autre fasse le goal, tu sais, parce que prolongation, c'est fait pour être un changement de momentum d'une seconde à l'autre. Ouais, là. Mais c'est une question de possession. C'est arrivé aussi en power play que, tu sais, il a fait des jeux importants pour faire un goal important. Tu sais, fait dans les 9 premiers buts de l'année, là, c'est Hudson qui a donné le point. Les 9 premiers buts. Fou, c'est fou, pareil. Là, c'était tout le temps Suzuki, Hudson, l'année. D'accord, Power Jeff. Power Jeff qui dit que Hudson est très impressionnant. Extrêmement effectif. Oui, tout à fait. On l'aime. Là, c'est juste qu'on parle de Subban. C'est juste que Subban a tellement laissé une empreinte à Montréal que c'est pour ça, moi, mais c'est parce que je pense que c'est pas le même genre. En partant, c'est pas zéro. Le même genre. On compare juste un an. Vous essayez de comparer. Côté maniement de la rondelle, ils ont un style similaire. Subban, tu sais, il y avait une bonne shot, malgré qu'il shotait souvent à côté. Mais l'ajout de Lane Hudson... Tu savais qu'elle allait shoter genre à peu près 6 heures d'avance. Le bon ouais, avant qu'elle arrive au Centre Bell, tu savais qu'elle allait shoter. Ouais, il laisse sa palette dans les heures. Il voulait décrocher les quand les il se blessait et pitchait les gants quasiment au plafond. Là. Oui, les gants. Quand il avait reçu, je pense, un coup dans le cul. Là, mais, ouais, mais c'est ça. Les gants qui puent dans la face à Price aussi. Avec son haleine de café. Mais Hudson, aujourd'hui, je pense que c'est une des raisons principales pourquoi le club va bien. Parce que, écoute, c'est un gars qui a été repêché en fin de deuxième ronde. Puis c'est un esti de home run, ce gars-là. Écoute, il a 20 ans. Il a même pas commencé encore à scratcher la surface. Ça va être plaisant à regarder. C'est excitant. Non, c'est excitant. C'est le fun. On a enfin un corps arrière, mais je pense que présentement dans le club, il manque un bon joueur physique, droitier pour jouer avec lui. Parce que Matheson, d'après moi, là, oui, ça va bien là. Mais je pense qu'on peut avoir quelque chose de mieux que Matheson. Chris Matheson, je vais parler de Matheson une couple de minutes. On n'a pas fini plus. Là. Ouais. Spoiler, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Ton plus, Alex. Ah, c'était Lane, mais j'avais Lane Hudson. Puis ça pouvait tout te dire, mais. Je vais donner mention honorable à notre jeune gardien de but. Là. Dobes. Il n'a pas fait ses preuves encore, là, mais on va lui donner une dimension honorable. C'est le fun de l'avoir. On va parler encore, mais au moins, on s'est débarrassé de Primo. C'est ouais, fuck yeah. Jacob Dobes. Tu sais, je veux dire. Jacob. 100% raison. Puis Dobes, là, tu sais, à un moment donné, je trouve un peu exagéré la discussion que le monde dit on devrait mettre Dobes, goaleux, de même temps. Mais ça devient comme Price à l'âge. Dobes a joué 5 games. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une mention honorable. Puis on ne sait toujours pas si demain, le match contre les Devils du Jersey, si c'est lui qui va gauler ou si c'est l'autre Chris de Cave. C'était pas gratuit. Excuse, de qui tu parles? Je parle de Montembeau. Ah, okay. Montembeau. Avez-vous son nouveau casse? Il est lait en esti, son casse. Avec son esti. C'est lait en tabarnak. On l'a pas, c'est bon, il faut que je le ramène. Avec son quoi? Si on a ce chien-lette, c'est ce qu'il dit. Ah, Chris, c'est un bagel, tabarnak. Un bagel. Les oreilles de même. J'espère qu'il y en a un chez eux, que c'est pas parce qu'ils trippent sur la race. Je sais pas qu'il y a un chien. Peut-être son chien. Écoute, je pense que je vais faire de quoi. À un moment donné, je vais trouver un audio de Motambo pendant qu'il parle à un journaliste. Sacrément, on dirait un personnage de François Pérusse. Tu l'écoutes en fast-forward. Il parle tellement vite. Je sais pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un de la langue française qui s'assied avec lui pour dire Samuel. Parle les fameux employés de la langue française. Il n'y a pas de presse. Les journalistes sont là pour t'écouter. T'as enfin du monde qui te porte attention. Oui, OK, je vais faire ça. Contrairement à tes parents. Est-ce qu'il est énervé, man? C'est un gars qui pisse. Là, c'est un jet en spray, man. C'est pas une ligne droite. Snacks, prends ton temps. Oh, hey, j'aimerais ça te demander, quand on parle de Montambo, on peut-tu l'appeler Snacks? Ouais, Snacks. Okay, moi, je l'appelle pas Snacks. Okay. Tu manges la mort. Moi, je vais donner mon plus à notre meilleure acquisition de l'année à part Lane, là, le bon Alex Carrier. Yes. Oh, on a replacé complètement la défensive et maintenant, tout le monde est dans sa chaise. Bizarrement, ça va mieux, je trouve. Depuis je l'ai bien aimé quand il est arrivé et il dit ça, il est le fun. Personne ne me connaît ici. Ben honnêtement, là. Il se fait reconnaître. Tu sais, Baron, c'était parfait qu'ils prennent ce joueur-là pour l'envoyer. Ouais. Ça fait pas mal, on n'a pas de stress qui devienne Ryan McDonough. Exact, parfait. Puis il est bien plus solide présentement. Il est bon, il fait une bonne job. Ken fait une bonne job overall. Ah ouais, puis c'est tranquille, il ne fait pas la pression. Il va chercher un gars que personne ne connaît vraiment. Sans fucker la reconstruction. C'est ça. La reconstruction générale depuis les 2-3 ans, je regarde et je suis comme oui, ça. Continue, ça va bien. Je veux dire, Alex Carrier, ce qui est le fun d'Alex Carrier, c'est que je trouve qu'ils ont donné un petit break au meilleur défenseur du Canadien, et j'ai nommé Kevin Goulet. Kevin Goulet. C'est lui le best. Pour les all-around, c'est le meilleur. Puis je trouve que. Même pas fait les mots. Kevin Goulet. Ok, j'ai compris Kevin Goulet. Je dis, on n'a pas de ça dans l'équipe. Mais aussi, mention honorable à Gallagher qui a joué son 800e match avec le CH. Oui, on ne se rendra jamais à la raison pour Goulet. Il est encore là. On a fait une période déjà. On n'a même pas. On a fait nos. Il y a une question. On va dans le chat avec une demi-caméra. Voir ce avant de finir la période, on pourrait peut-être. Je vais réparer. Reste au moins deux. C'est bien long son message. On va au moins. Mais oui, c'est vrai. J'ai manqué le début du show, mais pensez-vous qu'ils vont faire les séries et pensez-vous qu'ils devraient faire les séries? Chercher un pic. On répond ça au moins avant de répondre à cette question. On va en parler tantôt en début de deuxième. On va revenir au moins. On va revenir là-dessus en deuxième. Reste à la Reste à l'Exo Power, Jeff. Fin, Alex, commence donc tes moins. Au moins, vas-y, Alex. Non, trop de pression. J'ai pas le temps passé. Vas-y, Alex. Ah, man. C'est ton moins. J'ai pas le goût de chier sur quelqu'un. Ah, ouais, donc, man. On est titre pour ça. J'aimerais pas la saison qu'il y a pas beaucoup de joueurs. Moi, je vais y aller. Moi, j'ai un moins, puis il a pas joué longtemps, puis il est plus là. C'est Pedzetta. Oh, fuck! Oh. C'est ça. Ah, ouais. Ben, c'est ça, je m'en ai dit. Fait que j'ai pas goûté dessus parce qu'il est presque pas là, mais. Tabarnak, c'est ça qui a servi à rien, man. Je vous l'avais dit, c'est un joueur inutile. Son corps, là, de, pour le. Ben, en fait, hey, ils l'ont pas collé, là, mais ils l'ont juste descendu d'en bas, là. En haut, là, mais. Mais c'est du maquillage, c'est le club. Il cale le premier chiffre pénalité. Comment? C'est ça. Quand il a joué le premier chiffre pénalité. What the fuck? Ah, ouais, non, c'est un esti. C'était le fun de le voir, là, au début, là. Mais, tu sais, c'est moi, j'ai jamais trippé dessus. Mais il a fait son tour de train, là, man. Asti, là, je l'aurais slogué, tabarnak. On a perdu un pic, Asti, où, à cause de ce calice-là. Il apporte pas vraiment grand-chose. Il y avait une moustache, puis les cheveux enlevés pendant un bout, puis c'était ça, là. Il y a encore les cheveux frisés avec sa moustache. Ouais, mais là, c'est ça part. Ça a l'air, ça défrise pas. Ah, mais il s'est coupé les cheveux, là. Ouais. Il s'est coupé les cheveux, là. Non, et puis je fais court, là. J'écoute pas le hockey de JF. Je suis complètement d'accord avec vous. Non, mais c'est parce que Pedzetta, je le vois pas pantoute. J'écoute le documentaire La reconstruction, puis quand je vois Pedzetta, on dirait un personnage dans Yellowstone, là, mais astique, je l'haïs, ce gars-là. Pour vrai, moi, j'avais lui, puis j'ai Anderson, des fois, pour les quatre personnes qui écoutent Yellowstone. J'ai Anderson qui me gosse encore. Je suis complètement d'accord. Bon pic, Pedzetta, je suis complètement d'accord. La seule affaire, semi-défense, puis c'est un moins, Chris. Pas de Pedzetta. C'est juste que c'est plus tough pour un joueur quand il a joué 3 games dans l'année. Je suis 100% d'accord. Pour les 3 games que tu as joué, pour les 3 games que tu joues, t'es-tu capable d'être logique avec ta tête et pas prendre des pénalités comme un cap pour te finir à 4 minutes à la fin de la game? Exactement. Tu t'aides pas, dude. Mais c'est ça le problème. Mais sauf que c'est tough pour un gars de pas jouer autant. Ah, c'est ça, mais regardez Struble la prochaine fois qu'il va jouer une game, les boys. Là. Il est à Laval. Ça avec, là. Il est à Laval, le Struble. Il est rendu à Laval. Ils l'ont droppé à Laval aujourd'hui pour conditionnement. OK, bon, nouvelle. Qu'est-ce de bonne affaire, moi, tu sais. Oui, parce qu'il ne jouait pas. C'était laborieux, comme dirait. Ça venait dur. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que je dis, mais c'est quand même. Un autre qui mériterait un moins, ça. Anderson, tu gosses encore des fois, mais ça, c'est la chance. Struble? Ouais. Parce qu'il s'est amélioré en toute honnêteté. Ouais, Anderson s'est amélioré, il joue mieux. Ça va bien, ça va bien. Mais il comprend ce rôle de joueur. Anderson pourrait être mieux, mais... I hate the guy. Non, mais Anderson pourrait être mieux, mais il pourrait être... Lui, il aime pas Montembeau, moi, j'aime pas Anderson. C'est correct, t'as le droit. C'est correct. Puis Dave, ton moins, c'est-tu Pezzetta aussi? C'était Pezzetta. Mais c'est lui qui l'a dit en premier, moi, j'ai piggyback on him. T'as pris Pezzetta aussi? Oui, avec une mention honorable. Vas-y, JF, tu veux avoir ton moins? Moi, je vais prendre le pire attaquant top 6 de la NHL, Alex New. Ouais, c'est ouais. Tabarnak, man. Depuis, je te dirais, là, mettons, avant la bonne séquence du Canadien, ce gars-là avait 8 points. 8 points sur un top 6. Ce gars-là, on a donné 2 first picks. C'était supposé d'être un attaquant top 6 potentiel. Il a 13 points. Écoute, tabarnak, quand tu joues sur le top 6, il faut que tu produises. Il ne produit pas. Ben quoi, la misère. Hein. Moi, d'après moi, là, je pense que le problème, c'est qu'il c'est peut-être pas sa position. Jouer à l'aile, même si c'est plus facile. Quand que Dvorak va crisser son camp, parce qu'on s'entend tous qu'il va crisser son camp, ce gars-là. Il est déjà parti. New Hook, je le prendrais puis je le développerais comme étant un joueur de centre ben, sur le troisième trio. Je pense que ce sera plus à sa place avec sa rapidité. Hey man, Tony Marinaro, on a accroché à... Nick a renversé une bière, j'ai accroché le board, j'ai mis ça sur mute. OK, tout est on a perdu quelques secondes, ouais. On est OK, bon, ben... Désolé, tout le monde. Vous avez manqué ma joke, c'est les Italiens. C'est qui était là aussi. Ben, on va répéter, il a dit que les Italiens ne savaient pas patiner. Que ce soit très clair. Puis Marinaro, il va faire une crise de cœur, puis la journée qu'il va le faire, je vais pouvoir donner 2 piastres à la fondation. Tiens, merci de ne pas l'avoir sauvé. Maintenant, vous pouvez faire de la recherche. Bon. Ben, merci à Lonely. Tu sais, genre avec la pouce. Ouais, pitch, poop, pillow fast, man. Oh, lonely boy beat. Merci pour First Time Joe d'être venu sauver la fin de la première période. Okay. Lonely boy beat. Ça sonne comme un chrétien aux États-Unis. Ça. Rapidement, mon moins. Ouais. Je m'acharne, mais Matheson. Ouais. Matheson. Une vraie passoire. Encore une fois, là, c'est juste que Matheson, il y a quelque chose de bien. Il a comme accepté le rôle de perdre le premier power play avec Lane Hudson qui le remplace. All good. Mais le problème, c'est que ce gars-là, il a tellement de talent, Steve, puis il chie dans la pelle. C'est comme s'il n'était pas capable d'analyser, puis son cerveau va moins vite que son talent, que ses skills. Mais c'est ça qui me dérange. Matheson, il faut juste s'entendre sur une chose. Toute sa carrière, ça a été un défenseur top 4. Ouais. À Montréal, ils ont joué 25 minutes, des fois quasiment 30. Ouais. Puis c'est pas ce type de joueur-là. Moi, si j'étais gestionnaire, comme directeur général, Matheson, j'en profiterais pour l'échanger avant que sa valeur continue à baisser. Parce que lui, c'est un gaucher, il joue avec Hudson, mais j'aimerais mieux avoir un gars, tu sais, genre un Shea Weber pour jouer avec Hudson. Là, ça serait une première paire. Qui? Marc Method. Tu sais, quand Marc Method était jumelé à Carlson, ça allait bien. Quelqu'un de bon, pas un commissaire comme lui. Je ne l'aimais pas, Marc Method, moi. Non, mais ça allait bien pareil dans le temps. Ouais, ben c'est comme... Marc Method, pour moi, c'est Mike Commissaire, mais en plus laid. Mais moi, j'aimerais bien avoir un défenseur droitier, mais tu sais, qui a une nasty shot, qui est capable de produire, puis qui est physique. Matheson, il n'est pas physique. C'est un nutritionniste. Mange des salades de carottes avec du citron. Toi, tu sais combien? Je vais donner à Slaff un moins de genre lâche pas, tu vas finir par te trouver le grain. Ouais, comme un moins à la DAC. Ouais, non, mais j'espère que tu aies. Je donnerais une mention à Kirby, moi. Il est up and down, il Kirby, cherche encore. Je donnerais un genre de hey, cheer, man, ça commence à aller mieux. Lâche pas. Ouais, ça, j'ai dit pour un plus DAC. Slaff, il y a comme des up and down. C'est ça, mais c'est ça, je disais, t'es down là, mais tu vas remonter. Il est jeune. Il fait des sauces. Il y a des flash, par exemple. Il t'a rendu dans le net cette semaine. Comparativement à DAC. Mais là, ça... Je trouve qu'il y a beaucoup plus de beaux flash. J'aime plus les flashs de Slav que les flashs de Dak. C'est pas un moins que je t'en crisse. C'est un moins c'est de genre, lâche pas, tu vas retrouver ta touch. Ouais, je comprends. Voilà. Si je peux défendre Slavkovski. Non. Cette année, je pense que ce qui doit comme faire face à l'adversité. Il était tellement proche de à l'austérité. Il doit faire face à l'austérité. Tu sais, l'année passée, là, les autres équipes ne le connaissaient pas tant que ça. Il avait joué 39 games à sa première saison, puis il a fait quasiment un point par match en deuxième moitié. Cette année, je pense que les clubs le connaissent un petit peu plus, fait qu'il est plus comme couvert. Fait que c'est peut-être pour ça qu'une baisse de régime, mais il va finir quand même avec 50 jeune. Points. Puis il est jeune. Il y a 20 ans, ce calice-là. On va y pardonner. C'est un petit manque. Tu sais, il a commencé à sortir au Fly Gin. Il y a même pas. Il n'y a pas de droit pour. Il y a une blonde. Il y a encore des rumeurs du Fly Gin qui ressortent. Ça repasse. Ça fait longtemps qu'on avait parlé, il me semble, de ça. Dans le temps, c'était. Galchenyuk, puis la fille qu'il avait comme battue. Attends, c'était quoi son nom? C'est là qu'elle fait des crises de jeunes. Chanel. C'est l'ex à Galchenyuk, là, que genre, elle l'a pognée en train de fourrer des filles dans sa chambre à elle quand elle était partie à l'extérieur. Puis Devante Smith-Pelly dormait dans la chambre. Mais où était Devante? C'était ça, c'est le. Mais où était Devante? Où était Devante? Ça sonne comme genre une phrase au Mexique. À Nodesta Devante. Mais sauf, tu sais, genre traduit comme dans un film. Traduit comme dans quelqu'un qui jouait à Devante. Fait que c'est une période épouvantable en bug technique et malheureusement, c'était pas notre pire période ever en plus. Fait qu'on est correct. Fait qu'on va. On vient tantôt. On touche à rien pour on revient pour la deuxième période. On touche à rien. J'ai pas de PC, on s'en perd du stéréo. Je vais m'occuper de ça entre les podcasts, je vais m'occuper des caméras. C'est ça que mon oreille est pas stéréo, je la mets pas. I'm all good. I'm back, baby. Je parle pas, Pokiwi. En live puis en audio. Wouh! C'est parce que j'ai débranché et rebranché les cams tantôt, c'est pour ça qu'on s'est freezé au début puis que j'ai pas tout réussi à faire rapidement. Donc voilà. Fuck ta modelo. Ouais. Butt plug. Ça, c'est vraiment une bouteille en butt plug ici. That's a butt plug, man. Butt plug beer. Butt plug? C'est acheter d'un butt plug en tabarnak, man. La modelo butt plug. Moi, c'est ça, j'ai essayé de boire ça. C'est comme si on boit dans un butt plug. Ah non, moi, j'aime ça, moi. Ben, je sais. J'aime ça boire dans un butt plug. C'est quoi cette chose? Tu vas bientôt le savoir. C'est quoi cette chose? Tu vas bientôt le savoir. On est de retour pour la deuxième période. Open inside ici. On l'expliquera pas. Mais... Non. Yes, c'est bien rite, est-ce qu'il faut qu'il y ait dessus? Le breezer, man. Oui. On est. Là, j'ai le temps. Je m'amuse plus dans ces segments-là. Il faut répondre à la question de Power Jeff. Les deux brillants de GF quand il dit breezer. Le breezer. Ouais, on répondait à la question. Ouais, c'était quoi la question? J'ai manqué des. Pensez-vous est-ce qu'on va faire les séries? Moi, je vais dire oui pour gagner mon 20$. Moi, je maintiens mon bet de 7e position. Ben. Moi, je maintiens mon bet que je pense qu'on va se battre jusqu'à la fin, mais je suis pas sûr qu'on va les faire. Moi, j'ai l'impression là, qu'on va arriver à la fin, là, puis on va être à comme un ou deux points de pas être dedans, là, puis ça va genre être. Ça va détruire faire le moral. Chier parce que on va perdre un pic. C'est plus serré qu'au début. On va perdre un pic. Mais moi, j'avais dit au début qu'on serait genre collé pour les faire. Ouais. Puis qu'on les ferait pas, genre. Moi, je me suis engagé pour dire qu'on les ferait. Pour enrichir ce que tu dis, la raison pourquoi qu'on les fera pas. Comme j'ai dit en début de saison, à cause de nos gardiens. Toi, t'es l'inverse. Wow, ça vient de changer. T'es l'inverse de Montembeau. Savez-vous c'est quoi la moindre efficacité de Montembeau depuis la belle séquence des Canadiens? 893? 888. Ah, je suis proche. Moi aussi, c'est moi qui approche. 8-8-8, shout-out à Alex. La prochaine fois que t'as des stats de GF, tu nous laisses toi te répondre avant c'est quoi la stats, on va mettre un bet sur la table. Ah, ben oui, j'aurais dû faire ça. Comme Price is Right. C'est ça qui manque dans le podcast du gambling. Série ou pas? Moi, j'aurais aimé ce que j'ai dit. Hein? Moi, c'est pas Thierry. Pas Thierry, mais vraiment Alex, pas. Genre fucking close. Moi, je me commets, je dis, on va faire les séries. J'ai dit le premier épisode. Pas Thierry pour moi. Toi? Hey, je vais y aller avec, on va y manquer, mais de justesse. Puis moi, j'avais callé 7e position. Tout chicken. Okay. Donc, l'avant-dernier club qui fait les séries. Ouais. Puis l'affaire qu'on va pas confirmer, c'est à la date de butoir des échanges. Mais en fait, je vais maintenir mon thinking, ce que je pense qui va se passer. Mais en réalité, je pense qu'il peut arriver deux choses. Là, c'est soit la chaîne débarque. Ils font pas. non, mais soit la chaîne débarque. La séquence va arrêter. Ça va arrêter, puis là, on va revenir où ce qu'on est supposé d'être quand d'autres équipes. Ou on va vraiment se maintenir. Comme dans l'estime mix. Là, dans tu dis soit on va redevenir le bon vieux Canadien de toujours, ou on a vraiment la reproduction qui marche et on avance. Là. C'est ça, j'ai hâte de voir. Moi, avant, si la chaîne débarque pas et qu'on reste dans le mix, ça va être quand même excitant. Ouais. C'est juste qu'on va perdre un pic. Mais c'est ça, mais pourquoi qu'on ne pousse pas pour y aller? On va perdre un pic. Tant qu'à. Mais on va perdre un. Sure, mais on n'est pas là. Mais je pense pas qu'on est là de on a battu les bons. Parce que là, on est plus vers le milieu. On n'est pas là. On n'est pas là. On est capable d'être là. On fait du siffle et on vient et on se bat jusqu'à la fin tout le temps. Là, c'est on a un team. On a battu les meilleurs teams. On a un team différent. On échange savoir ou pas à fin à date des échanges. Ça dépend si on est où. Si on a une belle offre pour, on le garde-tu ou on le garde pas? Si on est tu pour l'échange, parce que t'es allé chercher Carrier pour prendre sa place, parce que Carrier a encore un contrat. Sure, mais il fait encore partie du... Ça dépend, du... on est où. Ça dépend, on est où. Il fait encore partie du mix. C'est un droitier. Showball, il n'est pas droitier. Il y a quel âge, Chavard? On fait un bet. Il y a genre 32. 35. 34. Moi, je dis 35 et demi. Moi, je dis 34. 32. Fait que, checker sur les boys. David, David Savard. Hey, Google. David. Quel est l'âge de David Savard? Hey, Siri, how old is David Savard? Je ne suis pas sûr d'avoir... 34. Petite Google à la merde. 34? 34. Yes, c'est encore moins gagné. 34 ans. Il est né le 22 octobre 1990. J'ai dit, il faut mettre l'argent sur la table. Fait qu'à 34 ans, il devient agent libre. Mettons qu'il commence l'année à 35, l'année prochaine, tu le signes-tu? Mais pourquoi? Tu sais, mettons, on a une, mettons, une offre pour fucking Dvorak, là. Ah, oh, yeah, you do it. Go. Yeah, yeah, okay. Hey, un sac de puck. You do it, you do it. You do it. Il n'est pas nécessaire. Je m'ostine pas. Je pense que. Non, mais je vais juste dire. De toute façon, je pense que Dvorak. Je pense pas que ça touche au core. Dvorak, là, je pense qu'on aura fuck all pour Dvorak. Je pense que ça serait un échange comme le paquet de pots. Je pense qu'il finit cette année à Dvorak. Right? C'est sa dernière année à Dvorak, je pense. Oh! Ben, tu sais, j'en ai une à maison, puis oui, c'est sa dernière année. Enfin, quand on avait Dan Donov, là, l'échange qu'ils ont fait, ils ont changé Dan Donov pour un autre Russe. Dan Donov. Que finalement, le Russe, il n'était pas bon. Là. On a comme pris un joueur jeune Russe qui a Donov, je pense 23 ans, puis il allait être agent libre avec restriction. Fait que là, ce gars-là, on l'a amené à Montréal. Je pense que la première semaine, ça a bien été, mais on avait joué juste une game. Puis après ça, mais ça a été un flop total. Fait qu'on l'a pas signé. On a comme pas fait d'offre qualitative pour garder ce joueur Russe-là. Mais je sais pas c'est quoi son nom. Ça finit par Ov. Le joueur qu'on a pour Dan Donov. Le joueur qu'on a pour Dan Donov. Tu veux-tu googler Dan Donov trade avec Montréal? Dan Donov trade avec Montreal. Ah oui, je sais qui tu veux dire. Ah, oui. Garionov. Garionov. Denis Garionov. Ouais. Je me rappelle pas de ça. Pas. Le gars Dennis. Des Stars, là. Ouais. Il y a les gars des Stars. Et lui, il a fait que What? Passer. Hein? Il a ouais, fait que passer. Rappelle... Fait que d'après moi, Dvorak, si on l'échange. Je me rappelais même plus. Je comprenais même pas de qui tu parlais. J'ai comme de non, c'est ça, parles, mais une chance qu'on ait des ordinateurs wow. dans nos poches. Tabarnak, mais lui, hey, lui, hey, on a quand même payé un first round. Dan Donov, d'après moi, il y a une valeur. Si Dvorak, on l'échange, ça serait comme un genre de deal similaire. On pogne un jeune qui va nulle part, on va le chercher. S'il ne va pas bien, mais on le laisse partir. Mais s'il est bon, on le signe. Mais je sais que Gorianov, c'était un bon prospect. Par exemple. Il avait bien commencé. Ouais. Il a eu deux bonnes premières saisons à Dallas. Puis après ça, ça a commencé à tomber. Là, parce que je pense que le translateur, il était disparu. Le translateur. Le gars qui parle en russe, puis il traduit en anglais. Là. Le traducteur. Le translator. C'est quoi le nom? C'est la prochaine série qu'on va voir sur le logiciel. Le translator. Le GPT? Non, le logiciel Babel? De traduction Babel. Babel. Comme le film de Brad Star, Pitt. C'est Deep Bell. Ouais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, répondre à sa question. C'est ça pour vrai. Le choix repêchage. Deep Bell. Est-ce qu'il y avait deux questions dans sa question? Ben non, où aller chercher un pic? C'est un ou l'autre. Ouais. Ben écoute, la bonne nouvelle... Moi, je pense qu'on est rendu à faire les playoffs pour leur donner l'expérience en playoffs. Puis, pensez-vous qu'ils devraient faire les séries ou aller chercher un pic? Qu'est-ce qu'on pense vraiment? C'est que, genre, on peut pas penser. On t'aime-tu encore? On peut pas penser. Non, mais on peut pas penser. Je pense et je peux pas penser. Il est dérapé à période. On n'est pas capable. On est rendu en deuxième. Je veux pas faire chier, mais c'est juste que c'est super bonne ta question. Mais avant de se rendre aux séries, on va se rendre à date butoir des échanges. Non, mais c'est pas ça. Dans le fond, il va falloir déterminer si on est vendeur ou acheteur à ce moment-là. Puis s'il y a des offres, est-ce qu'on achète des joueurs? On va le savoir là si le Canadien veut faire le push pour les séries ou pas. Si on va chercher un joueur complémentaire ou deux ou whatever, ou on vend des joueurs qui pourraient être encore utiles d'ici la fin de l'année, ça va déterminer si on fait un push ou pas. Puis là, l'affaire, c'est que si on décide de vendre, on peut quand même faire les séries. Puis si on décide d'acheter, on peut quand même pour faire les séries. Ouais, mais ça va quand même déterminer l'intérêt de l'équipe. Ça va déterminer l'intérêt de l'équipe à savoir s'ils veulent vraiment... Faut qu'on en veille, la petite de la poussière. Je sais, mais c'est du ménage. Ouais. Comme si pour de vrai, trader Savard en ayant Carrie, ça va-tu faire si mal que ça? C'est pas qu'est-ce qu'on a. Ça ferait mal à Jacky. Dans chambre, oui, man. Ça va pas les vétérans. Choubo puis Jacky, le but, c'est pas gagner la Coupe Stanley. Moi, comme Jeff dit, le but, c'est pas gagner la Coupe Stanley. C'est donner des... l'expérience de série aux jeunes. Moi, c'est ça que je veux cette année. Puis j'ai une belle histoire à vous raconter. Il y a un an. Allez, il y a un an. Le Negroni à Montréal en 2024. Il y a un an. En 2024, le Canadien de Montréal était exactement à la même position que ce qu'on est aujourd'hui. Puis quand on échange... Oui, parce que j'écoute le documentaire La Reconstruction par Bell Media. Puis quand ils ont échangé Sean Moynihan, épisode 6, là, ça a planté solide, comme une crotte dans la bol, man. Ça a tombé d'une traite, les fesses ont été trempées. Puis Montréal a été en chute libre au point où ils ont repêché au 5e rang puis ils ont pogné Demidov. Puis d'après moi, cette année... la date limite va déterminer si ça va planter ou si ça va continuer. Mais on n'a pas de Sean Moynihan à vendre, sauf Jake Evans. Si Jake Evans ne signe pas à Montréal où il se montre gourmand, il ne sera plus là à date limite. Bon, je vous le dis tout de suite. Mais il y a quand même un bon flash, lui, dernièrement. Mais là, après, c'est devenu normal. Mais il y a un bon flash. Il va avoir ça. On fait un autre bet, si vous voulez votre monnaie, là. C'est quoi le pourcentage d'efficacité de tir à Evans? Mettons quand il shot puis ça rentre. C'est quoi le pourcentage? Il est à 17%. Il est à 27%, même. 27%. Puis, dans les années passées, il était en bas de 10. Fait que c'est un addon, Asti, qui produit là. Mais est-ce que ça va... Un qui? Ça va-tu durer? Evans ça peut être comme un Gourianov. Ouais, 28, je pense. Il y a 28 ans? Je pense que c'est ça, 28. Qui? Jake Evans, il y a 28. Oui, quelque chose en enfant de même. Tu le signes, là, mettons 5 ans, là, ça fait combien, ça? Ça fait 33? Ouais. Fait qu'à 33 ans, il va-tu être aussi bon que là? Puis combien tu le signes? Jusqu'à combien tu es prêt à le signer pendant 5 ans? Tu vas-tu le signer à 3, à 4? Puis s'il demande 5, tu fais quoi? Oh, fuck off. Bye-bye. Mais moi, je donnerais 4. Je donnerais 4. 4.2. Je serais prêt à donner 5 pour moins d'argent, mais tu sais. Ben, si tu signes 5 ans, tu peux baisser sa moyenne annuelle, je pense, le salaire. Mais c'est ça. Mais ça dépend comment il prend pour 4 ans, tu sais. Moi, je serais à l'aise à 5 ans, 3.25. Ouais, c'est ça. Mais s'il demande plus que ça, 3.26... Il fait combien en ce moment? Il fait 1.8, 1.7. Fait que ça doublerait son salaire à peu près. Mais on va. Oublie une chose, Jake Evans, il joue ça à 4. Moi, j'ai l'impression qu'il va aller chercher. il va vouloir aller chercher pas loin de 4. Ouais. Si c'est à 4 millions, pour tu signes ça à 4 millions? 28 ans, il va avoir 33 ans, 4 millions par année. Est-ce que vous le signez? Tu le signes-tu, toi? T'as-tu ouais, but? Non. T'as-tu but de l'antigel? As-tu but de l'antigel? Allez-vous le signer 5 ans, ce gars-là? OK, mais attends, mais je le signe. Je vais signer 8 ans à 1 million. C'est quoi ton offre? C'est contre à Julien Bérisbourg. Julien, c'est quoi ton offre, mettons? Je vais me rappeler. Ouais, parce qu'il faut rappeler ça dans les audios. Ouais, vas-y, chop. J'ai pas essayé de parler de 20. Tu le signes-tu à 4? Cabotinage. 4, non. Moi, non. Mais tu travailles jusqu'à combien? À combien t'arrêtes, genre? 3.5 top. 5 ans, man. Je suis prêt à te donner 5 ans à 3.25. Mettons qu'il fait 15 buts. 3.25, j'aimerais 15, ça. 15-20 buts, c'est quoi la moyenne de salaire d'un joueur de 15-20 buts? C'est 3 millions. OK, bon, ben c'est ça. Il y a un joueur comparatif. Moi, là, c'est, moi, je veux 3.5 max. Brian Holden ou Nick Holden, je pense. Ouais, je sais pas. Nick Holden, ouais. Howden. Ce gars-là, il joue à Vegas. Rick Holden. Puis c'est un même joueur comme Jake Evans, là. Puis il est payé 2,5 millions par année. Oh, mais c'est quand qu'il a re-signé? Cet été. Okay. Il fallait que j'en lâche un aujourd'hui. Mais là, il faut prendre en considération. C'est pas une soirée de podcast, ça ira dans un micro aussi. Il va signer cet été. Les salaires ont monté un peu. Il va signer cet été. Le cap est plus haut cet été par rapport à l'année d'avant. Mais dans le fond, est-ce que tu prends la chance de le garder pour voir si tu vas le signer le 1er juillet? Si tu veux le signer, tu le signes là. Tu peux pas attendre après parce qu'il va peut-être coller son camp. Je pense que c'est une question de pourcentage. C'est pas une question de salaire. C'est une question de pourcentage d'un moment qui compte tout le temps ça. S'ils se disent qu'un gars comme Evans peut aller chercher, je sais pas, le 2% de la masse globale de l'équipe, ils vont faire, mettons, la masse salariale est 95 millions. Ils vont faire 3% ou 5%, peu importe de combien ils pensent qu'il vaut, fois 95, ça va donner combien qu'ils vont le payer. Fait que, mettons, on dit 2% de la masse, 95 fois 2, ça donne quoi? C'est genre 47.5. Pas, non, je pourrais si je fais n'importe quoi, là, ce que je viens de dire là, mais mettons, c'est. En fait, 95 x 2, c'est pas 47. Mettons, c'est 1.8. Ça serait 1.8 million. OK? 2% de 95, c'est genre 1.8 million. Fait que, mettons, tu dis 3% ou peu importe, c'est la manière qu'ils vont calculer ça. C'est de la manière qu'ils font. Puis, à date, jusqu'à présent, à part Lionel qui sont allés chercher, que ce n'est pas eux autres qui ont signé, ils essaient d'être vraiment en tête d'un point de vue comment ils gèrent leur masse pour le futur. Fait qu'un gars comme Evans, il fit dans le système du Canadien, mais on le sait qu'il est à une commotion près de perdre sa carrière au complet. Est-ce qu'il va risquer de vouloir aller ailleurs pour plus d'argent? Maybe, peut-être. Mais s'il pense qu'il y a une chance de gagner à moyen terme avec le Canadien, il va peut-être décider de prendre le bet du Canadien puis de rester. On le sait pas. Est-ce que Montréal peut gagner la Coupe en moins de 5 ans? Peut-être. 5 ans peut-être. Non. 5 ans peut-être. Non, puis je vais t'expliquer pourquoi. 3. Tu regardes juste devant le filet. Mais Fowler, il n'est pas à 5 ils ans pas de goal, en Ligue. Fowler, si on dit que Fowler, il y a un potentiel de top, Fowler, ça ne sera pas avant 3 ans. Moi, je mets toutes mes cartes dans ton deuxième année. Le son est 15. All in, baby. Non, mais tu te souviens-tu, genre, Matt Murray, à sa première ou deuxième année dans la Ligue, il a gagné la Coupe? On n'a pas de Crosby, on n'a pas de Malkin. Non, mais tu comprends? On va peut-être avoir un Dadonov. Tu comprends? Dadonov va arriver l'année prochaine. Crosby, man, c'est une fucking légende qui était Martin. On a Daubèche dans le net qui s'en vient. On a Daubèche dans le net qui s'en vient. Daubèche, c'est un soit le 5e round. Daubèche. Hey, you don't know, man. Daubèche, c'est derrière le nom de mon temps. Daubèche, c'est pas Daubèche. Daubèche. Ben. Il y a un tréma son S. Tu sais, oui, il est bon, il a une moins d'efficacité de 94.9, mais je suis pas convaincu encore que. J'ai joué 5 games dans la NHL. D'après moi, moi je le regarde et j'ai confiance. C'est le gars est agressif. Il joue la puck, man. Il sort de son défi. Il est sur le bord de faire des sacs. J'aime son style. C'est ça, sa deuxième. J'aime son style. Il n'aime pas commencer. Demain, il n'aime pas checker. Moi, je le regarde et j'ai un rêve. Ouais, un rêve, t'as un rêve. Je le regarde et j'ai un rêve. Un rêve? Ouais, c'est un rêve. Come on! Hier, je me suis couché et j'ai eu un rêve. Hey, Daubèche, je vais peut-être nous amener. Mais Saint-Louis, tu vas te coucher, tu vas être déçu. Là. Ouais, c'est quoi ton rêve? C'est sûr, le soir, tu vas te coucher, non, tu vas être déçu. Mais... dans le temps de 5 ans, on a une chance d'être un contender dans le Final Four de la saison. C'est sûr, le soir, tu vas te coucher, tu vas être déçu. 5 ans. Dans 5 ans, ça dit que c'est la fraction à 25. Comme, c'est parce que ta question était dans les 5 prochaines est-ce années. Gagner la coupe? Est-ce qu'on peut gagner la coupe? Dans les... mettons, dans 5 ans, 6 non, ans ou 7 ans, je pense que ça serait notre window. Mané, c'est quand? Parce que les gens vont devenir vieux, vont être 30 ans, ils vont être finis. Mais moi, là, j'ai on fait... on peut gagner la Coupe c'est fait beau, mais Mané, Chris... Dès que t'es dans les playoffs, tu peux gagner la Coupe. You have to commit. La construction commence, c'est quand, officiellement? 3 ans? En 2022? 2 ans? Quand on a repêché Slavkovski, mettons? Yeah, yeah, OK. Puis, à quel âge qu'un joueur atteint son plein potentiel? C'est quoi qui ça? Fin vingtaine. C'est des chips. Ça dépend. Ah non, c'est le micro qui avait comme une vibration. Je pensais que c'était jamais une tumeur. Ça dépend de ta position. Comment? C'est pas pareil pour tous les joueurs. Là. C'est pas pareil. 27, 28. Non, on va dire 25, moyenne. 25, 28, c'est un petit peu plus vieux. Mettons 25, un attaquant, ça a comme pas mal en haut de la montagne, mettons, côté potentiel. On est proche. Fait que moi, je pense que le Canadien va commencer à être un contender quand Slavkovski va avoir 25 ans. Oui, mais il y a du gars, Nick, il a déjà 25. Donc, dans 5 ans? Nick, il va avoir 30 ans. Ça va être un vet, mettons, qui va être... Vétérinaire, oui. Mais toi, tu mets tous tes chips avec Slav puis Demidov. Ben, ça, c'est ton Crosby Malkin? Je pense qu'on n'a pas assez. Non, on n'a pas de Crosby, on n'a pas de Malkin encore. Demidov, on ne sait même pas s'il va être dans cette catégorie-là. Ben ça, je pense que c'est ça. Tu repousses tout le temps plus loin, mais à un moment donné, il faut que tu te commettes à exister. Ou tu fais avec les joueurs que tu bâtisses ton club. Puis parce que, Martin Saint-Louis ne sera plus là. Mais, ton DG va être parti. Il va être là encore des années. Crosby, c'est leur camp. Des Crosby, tu n'en as pas 1000. Tu en as un dans la ligue. C'est ça, mais. Qui n'en ont pas puis qui ont gagné la coupe. Mettons, tes joueurs de centre, là, OK? On a-tu vraiment présentement dans le club un joueur de centre à deuxième ligne? Ils ont tous les joueurs du monde à Minton, ils ont bien gagné. Mané, c'est pas ça qui fait que. Non, mais honnêtement, là, mettons, tu regardes les gros clubs. Là, on a-tu un 200 de top 6 qui peut rivaliser avec les meilleurs clubs? Non. Fait est-ce qu'on l'a repêché, ce gars-là? Est-ce qu'il fait partie de notre système? Ouais, mais tu vraiment... n'auras peut-être pas un Crosby dans ton équipe. Je te parle pas de Crosby, je te parle de est-ce qu'on a vraiment un bon 200 dans le club? Pas un deuxième centre, pour être contender. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on l'a repêché? Depuis le début de l'année. Pas de ce qu'on en sait. À cause de la performance de Doc depuis le début de l'année, il commence à avoir de plus en plus d'espoir pour Michael Hage. Mais il n'y a rien de sûr. Mais le Michael gars, Hage sa première, il y a 18 ans. Là. Puis Michael Hage, on rien nous garantit que ce gars-là absolument, ça va veut pas pouvoir dire jouer sur le top 6. Peut-être bottom 6, ça pourrait être une assurance. Mais encore là, on ne sait pas pendant tout. JF, la réalité, je pense, c'est que si on veut avoir une chance de se dire si la recette gagnante, c'est de gagner avec deux centres qui sont top, il va falloir aller les chercher en échange. Je pense pas que c'est juste ça. Ça ne sera pas à l'interne. Ou le repêcher. Mais ça va commencer à être tard. Là, parce que si on repêche un gars cette année, mettons... Ça va pas commencer à être tard parce que c'est juste la troisième année de la reconstruction. Une reconstruction, là, c'est au moins 5 ans. Là, on est chanceux parce que les gars apprennent à gagner puis apprennent à haïr la défaite. Moi, je pense que ton corps, il est là. Il est fait. Là. C'est ce corps-là qu'on a. C'est pour ça que mais je il manque encore c'est certains que je pense éléments. Aller chercher l'extérieur. Mais c'est parce que ouais, mais on peut juste passer par les échanges. Ça, c'est les on peut passer par les échanges. C'est parce qu'on est-tu à un joueur de faire les... T'sais, plus qu'on n'est pas loin du mix, là, nos choix vont être 16, 17, 18e là, à un moment donné. Là. On a, là, à date, top là, d'avoir un top center. Un top, on a, ouais, on a, à date, on a deux choix de première ronde dans le top 20. Oui, mais à date. Calgary joue bien cette année. Son choix, il est c'est 19e. 17, 18, 19. 19e. Puis Canadien, Montréal, c'est 17. C'est 17, 19. Là. Pour avoir un centre numéro 1 ou 2, ou parce deux, que Suzuki, on peut s'entendre que... Ça commence à être plus difficile. Je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que tu faisais par là. Va le chercher en échange. Moi, je recherche. Je pense que pour moi, c'est pour ça que je dis le bet est probablement un échange parce que l'année prochaine, logiquement, selon l'amélioration de l'équipe, parce que même si tu as tous les gars, mais après ça, les gars, il faut qu'il y ait l'expérience en série, man. Tu peux bien chercher qui tu veux. Ça te prend quelqu'un qui va être sacrifié pour cet échange-là aussi. Puis là, tu vas détruire le noyau. Ou payer un agent libre. Un agent libre, là, ça va être tough parce qu'il faut surpayer pour qu'on puisse l'avoir à Montréal. Tu sais, comme l'année. Parce que l'agent libre, tu le prends quand tu as une fenêtre et qu'il te manque juste. Genre ça pour absolument, y aller, mais la structure salariale du Canadien, qu'on veut, là, avec la rigidité de dire pas plus haut que Nick Suzuki, dans un an, là, ça ne pourra plus tenir parce que le plafond salarial va être beaucoup plus haut que quand ils ont signé. Ah, Nick. Regarde, comme tu sais, ça va nous permettre Toronto, d'aller chercher un gars. Les qui ont tout esti et ils ne sont même pas capables de gagner. T'sais, mettons Marner. C'est pas juste ça, la recette. Marner, qui a gagné la Coupe l'année passée? Hein? Qui a gagné la Coupe l'année passée? Je ne sais pas. Floride. Pas Floride. Puis c'est qui leurs deux premiers centres? OK, je me suis dit, c'est pas juste ça, la recette. Non, c'est pas juste ça, mais ça aide. Oui, quand et tu es d'accord. Quand, là. La raison pourquoi Montréal a du succès présentement... On n'a pas raffiné les... OK, on fait les extraits. Voilà. C'est ça, la raison pourquoi Montréal a du succès présentement, c'est parce que les quatre trios les produisent. Hein? Puis ça arrive en série, t'as une chance. T'as une chance, sauf qu'il faut que ça soit, il faut qu'il y ait une constance là-dedans. Là, on est tout le monde marche en même temps. Tout le monde marche en même constance. Temps. Mais j'ai comme l'impression, un moment donné, la pente va descendre. La... Tiens, on Jeff, peut. Laisse-moi introduire. On peut pas garder le même beat encore d'ici la fin de la saison. Moi, je pense que c'est impossible. Je pense que là, on surjoue au-dessus du potentiel que l'équipe a réellement. On va voir. On verra. Le temps va dire. OK, premier extrait, qu'on commence la deuxième période. Attends, je peux-tu l'introduire? Ouais, vas-y. Les extraits. Ça aurait pu un petit déco là-dessus. Les extraits. On va commencer d'ailleurs avec quelque chose de cocasse. Bon, 6 extraits. C'est pas 7, c'est 6 finalement. Donc, 2 séquences en fait. Après la défaite de 7-3 contre Toronto, qui a fait très mal d'ailleurs, on est 3-0, ouais, on a perdu 7-3. Qui était dans les nets? Motambo. Voilà. Donc, ouais, c'est Louis qui a un petit peu de la difficulté que sa chaise. Ça, là, elle veut rien savoir. Là, j'étais assis sur un livre de téléphone. Pour elle être plus grand. Je suis grand. Renaud et Patrick. Cocasserie comme si ça. Boy. Oh wow, c'est juste ça? Ouais, je trouve ça drôle. It is funny. Parce que je voulais voir un extrait de Nick qui parle de la défaite, puis j'ai vu ça au début. Ah, oh, ben en ça, plus, ça. Il y a le bassin au niveau de la table. Ça a l'air tellement inconfortable. Chaise haute. Fait qu'on lui a demandé comment tu fais pour passer à autre chose après une défaite de même, puis pas laisser cette défaite-là, genre affecter l'équipe à long terme. Ben, c'était demain. T'as une chance de répondre, puis de te corriger un petit peu. Ce qu'on fait. Ouais. Exact. Contre il n'y a pas de. Ding, ding, je pense pas d'ici à demain, là, je vais trouver toutes les réponses à ce qui est arrivé à soir. On a joué quand. Je sais que tu regardes le score, là, mais Il y a beaucoup de positifs dans ce match-là. Ouais, la seule chose décevante, c'est qu'on a perdu ce match-là. On menait 3-0, puis on aurait pu mener 4-5-0. Ouais. Fait que c'est sûr, le soir, tu vas te coucher, tu vas être déçu, mais demain, là, le soleil se lève, puis on a un autre game, puis on va se concentrer sur les Rangers. Puis on n'a pas beaucoup de temps de... Les matchs arrivent tellement vite présentement, tu sais. L'effort est là, ce soir. Là. C'est goaler que t'as de la merde. C'est sûr, là, ce soir, tu vas te coucher, tu vas être déçu. Mais... Puis Ryan Reeves. Vrai, là, le quatrième but, ben en fait, le quatrième but, quand ils ont pogné le poteau... Tout a viré, là. Puis après ça, les Leafs sont allés scorer, genre, puis ça a fait 3-1, là. C'était fini. Fini. Il n'y a pas eu la shot de Nylander. Ça a été shut down. Fini, man. Ça a comme... Puis ça, c'est pas normal, parce qu'on était sur une fucking bonne séquence. On joue pas. Ryan Reeves. 0 tabarnak! Puis Ryan Reeves est revenu sur un moment cocasse de la game. Là. Souvenez-vous à quel moment que lui et Jack Hayes se sont pognés dans la game? Je sais pas le hockey. C'était à la fin de la première. À 3-0 canadien, il a pointé en haut pour dire le score. C'est ça aussi. Il a dit à Ryan Reeves, check le score, mon est. Puis après ça, mais ça l'a comme donné une motivation supplémentaire aux Leafs. Puis ils ont compté 7 buts d'affilée. Je veux pas m'ostiner, mais je pense qu'il a dit mon estilé. Ou T est un estilé. Probablement un petit peu des deux. Je veux pas. Ugly, qu'il a dit. Non. Il a dit... Ou le traité de. Non, non. Non, c'est pas genre Jack Hayes. Jack Hayes, il ferait pas ça. Un oiseau à table. Excuse, t'as-tu fini ton drink, ouais, Jeff? Il reste juste de la glace. C'est quoi, tu buvais des autres choses? Fait qu'après la pratique. Vas-y, un autre. Il a traité de Fif, puis dans le fond, c'est parce que son nom, c'est Frédéric Fif. Frédéric Fif, ouais. Frédéric Fif. Fait que les 50 extraits sont après la pratique de cette semaine de mercredi le 22 janvier. C'est tout frais, tout chaud. Attendez. Ça sort. T'as pas la fête Jack Hayes contre Kemp? Non, je l'ai pas pris. Campé? Campé. J'ai pas pris. On peut l'avoir. C'est une good fight. Pas même en troisième sur YouTube. C'est une good fight, ça. C'est une good fight. Au moins, il l'a tenu le petit fucking grand. Il a tapé. Il a tapé. Il a tapé. Tu l'as vu qu'il l'a tapé. Qui l'a tapé qui? Jack Hayes a tapé. Et puis Jack Hayes, il aurait pu être knocké. Il s'est fait crisser 3 shots avant au début du combat parce qu'il avait pas enlevé ses gants. Il a calissé des shots genre quasiment des soccer punch. Il avait même pas enlevé son, il avait même pas lâché son bâton. Puis l'autre tapait déjà dessus. C'est comme what the fuck? Fuck you, bitch. Camp. Fait qu'après, foot freak. Foot freak. Je trouve qu'il a juste pas, tu sais, juste pas assez knocké à mon goût, mais c'est pas grave, c'est quand même satisfaisant. Au moins, j'ai mangé une coupe de shots. C'est un bon fight. Yeah. On en a une coupe. Fait qu'après la pratique de mercredi, on demandait au bon Martin. Depuis 2 ans, à pareille date, on jouait pas vraiment les matchs qui comptent dans le sens que, genre, on était pas en position de faire les playoffs. Non. Puis cette année, là, oui. Comment tu te sens d'être rendu là avec le même groupe de joueurs que t'avais, là? Ben, on se sent confortable. Tu le vois dans le rendement de l'équipe. C'est une belle progression. Puis, comme je l'ai dit, c'est de. Le but, c'était toujours de bâtir puis se rendre à un moment où tu es compétitif contre n'importe qui. Puis, je pense que c'est là qu'on est. Fait qu'on est content d'être dans ce passe-là, dans ce stage-là. Mais c'est de. Faut toujours t'es mérité tout. T'sais. C'est pas parce que tu es capable de le faire pendant un mois que là tu as tout. Tu penses que tu as toutes les réponses, t'sais, là, mais il faut toujours que tu travailles sur les réponses puis sur comment on joue en équipe. Mais je trouve qu'on amène beaucoup de constance récemment, puis c'est une grosse partie de l'engagement des joueurs. Constance. Je pense que la clé de la série de victoires du Canadien, c'est la barbe de Martin Saint-Louis. Je m'en allais tellement parler de ça. Hey, barbe, oui ou non? Il a sa barbe déjà des séries. Moi, je dis oui. Il a une barbe de papa. Il a dit à quelqu'un, je pense qu'à partir du monde artistique, là, qu'il n'arroserait pas. Qui? Je dis le monde interlope. Mais quand tu checkes ça, pareil, là, tu sais, c'est... Quelqu'un a posé la question. Présentement, là, si t'es de la 3e place dans l'Atlantique... Jusqu'à la 8e place dans le wild card, quoi, là, 6 points. Il y a 6 points. Ah oui, ça n'a pas de sens. Mais gars, le Canadien est descendu. Tabarnak, le Canadien, hier, a descendu de 3 points. Non, oui. Mais on est à un point pareil des séries, je pense. Oui, on est à un point des séries. En avant, on est descendu de 3 rangs. Il y a Tampa Bay en avant de nous autres, puis je pense que l'autre équipe. Mais Ottawa. Il y a 3 équipes qui ont 52 points en ce moment. Ottawa. Ottawa ont été. Rangers, Ottawa, puis Montréal ont 52 points. Non, mais depuis que Hallmark est blessé, Ottawa, si on a misère à gagner 2 games de suite. Ottawa. Cabotinage. Ouais, par le tour de la tasse. Ottawa. Hey, Dave, asseoir, là. Il est en boisson sur le soundboard. Ça a parti avec le whisky, Dave, là. Ottawa, d'ailleurs, qui ont 5 défaites de par blanchissage depuis le début de 2025. Ouf. Hey, ça, ouais, c'est une bonne séquence. C'est la moitié des games quasiment. Ottawa. Ottawa. Ça va pas bien. Puis je sais pas c'est qui leur goaler présentement vu qu'Allmark est blessé. C'est Mary Linen, quelque chose de même. Mary Linen. Il est très Mary. Après la prochaine question, on a demandé au bon Martin. Je sais pas c'est qui. T'as déjà dit que quand que le team va flipper, vous allez être dangereux. Qu'est-ce qui fait que t'étais si confiant à l'époque de dire ça? Martin, tu quand on va flipper, ouais, on va être dangereux. À ce moment-là, vous étiez avant. J'ai dit ça. Oui. Puis, tu sais, remarque a été prise en riant par certaines personnes, évidemment, qui regardaient le classement aujourd'hui depuis un mois, même si c'est juste un mois, selon toi. Ben, je dis pas toute la vérité, mais je compte pas de mentir. Alors, exact. Ben, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu étais si confiant pour lancer ça? Parce que c'est rare, tu parles pour rien dire. Parce que j'ai passé à travers de ça. J'ai passé cette étape-là. Puis, tu sais, ça. J'ai eu une opportunité d'aller chercher beaucoup de succès en équipe à cause de ce passer à travers d'un stage comme ça. Puis, fait que, tu sais, moi, ça prend l'engagement des joueurs. Puis, tu sais, puis je suis pas surpris où ce qu'on est. C'est beaucoup de travail de tout le monde. Mais c'est le fun. Ça fait quoi, 2 ans et demi qu'il est là? Ouais. C'est la troisième saison. Ouais, mais ça reste la superstar du Canadien. Ben parce que tu sais, il est tellement calme. Tu peux pas en vouloir ce gars-là. Il est comme non, non. Non, puis les gars, il va jouer pour lui. Ouais, puis tu sais, gars, je sais pas où vous avez passé. On commence à travailler fort, on va y arriver. Un moment donné, mais quand ça switch, mais il y a quelque chose qui va être cliqué, man, là, ça va partir. Non, mais tu le vois juste dans la manière qu'il gère les médias. Hein? Là. Hein? Ton team, après ça, si tu dis, gars, c'est lui, notre coach, là, tu regardes comme OK. Il est là pour nous autres. Mais, oh, good. Puis quand tu regardes les autres coachs qu'on a eu, tous des messieurs, là. Monsieur en cravate. Il n'y a pas quelqu'un qui parle comme ce gars-là. Non. Kanewa. Tu sais, Michel Therrien, là, Chris, pas pour rien, c'est qu'on a eu du succès, c'est parce qu'il parlait tout croche, esti. Puis Claude Julien, il était plus doux, mais genre, en même temps, on dirait qu'il était comme sa médication. Claude Martin. Puis qu'est-ce qu'on a eu d'autres avant? Jacques Martin. Les oreilles. Claude Martin. Puis Jacques Martin, Chris, en s'entendant que si c'est lui ton prof d'école, tu t'en dors dans le cours. Fuck, man. Ça doit être ses poches, quand même. Du charme. Du charme, je pense que. Du charme, il parlait comme si un gars avait mangé un pénis pointu. Non. Il n'a pas été là assez longtemps. Ouais, ben, c'est parce que tu parles de la pandémie, puis on n'a pas fait vraiment de podcast pendant ce temps-là. On a arrêté, mais non, c'est pas vrai. Puis Chris, on aurait fait une syncope. Est-ce que avec l'année qui a commencé là, après la finale de la Coupe, là, est-ce que ce gars-là, c'est un tata? J'ai lu le livre là, de Pierre Gervais, là, puis tabarnak, man. Tu l'as lu, le livre? Ah, mais il y a deux livres de Pierre Gervais. Moi, j'ai lu celui de Bruce Boudreau, hein. Ouais, mais c'est ça. Ah, elle n'a pas de sa saison encore. Puis j'ai lu les deux livres de Pierre. Ouais, ça, il parlait du charme à quel point que les vétérans s'en collissaient de lui. Là. C'est sûr. Ah, oh, man, j'ai des anecdotes. Là, vous auriez capoté. C'est son public, tu pourrais nous dire. Hein? Non, moi, le faire. La lecture j'ai en j'ai chapitre. J'ai 30 secondes pour compter l'histoire rapide. À partir de minuit, on reste ses ondes. Puis JF, il lit. Je vais lire un chapitre avec une du whisky. Audiobook, lit par mallette. C'est moi qui le fais. C'est moi en buvant du whisky. En faisant des négronis. JF, il est à l'arrière, il fait juste rire. Pendant la saison écoutée, pendant la COVID, là, où on s'est rendu en finale de la Coupe, Duchamp, ça faisait pas longtemps qu'il était dans le club. Duchamp, ça faisait pas longtemps qu'il était coach dans le club. Puis il avait de la misère à implanter son système de jeu, on s'en souvient. Là. Ouais. Il disait, même Renaud disait, ah, c'est dur, c'est compliqué, puis tout ça. Puis il faisait des gestes avec ses mains. Je pense qu'il faisait. Ah, Malette, je pense qu'il faisait ça des fois. Entre les deux balles. Puis un moment donné, il y avait comme un congé qui était prévu dans la semaine avec les vétérans. Parce que là, les games, on se souvient dans ce temps-là, c'était des fois, ça arrivait souvent 3 games en 4 soirs. Puis là, il y avait un congé qui était déjà décidé. Puis Duchamp, il est allé voir Shea pour lui dire, Shea, demain, il y a une pratique, peux-tu l'annoncer au gars? Puis là, Shea, il le regarde, puis il dit, Chris, on avait congé, c'était prévu, il y a des gens qui ont déjà planifié des activités. Tout ça. Non. Tu vas dire au gars qu'on va pratiquer, il faut qu'on fasse telle affaire. Shea Weber, il était en tabarnak, man, qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint à l'association des joueurs envers Duchamp pour bris de contrat. Ouais, ouais, mais t'as pas le droit. Tu vas faire ça. Ouais. Puis les vétérans s'en colissaient de lui, man. Puis pendant les séries, pour la raison pourquoi on a une poussée, là, c'est parce que les gars ont arrêté d'écouter Duchamp. Ouais, c'est ça qui est arrivé. Aussi. Pierre Gervais l'a écrit dans son livre. Ouais. Moi, je le voyais, Sticky, avec sa crise d'Apple Watch 1, là, genre qui était tout le temps pas de batterie. Là. Ce gars-là, là, c'est un vampire habillé avec un habit coloré. Non, c'est pas tant du color, mais il n'y a personne ici qui a aimé du charme, j'espère. Ah non. Mais, ah, non. C'était vanille. C'est un gros un move. Un gars vanille. C'est un gros move de PR. Caller une pratique quand tu es supposé avoir congé. Puis maintenant, c'est dans la convention collective. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est les Stars qui viennent d'avoir une amende. Exactement, il y a un mois, ils ont eu une amende. Justement, ils ont eu une pratique le 26 décembre. Exactement. Oui, pendant le congé des fêtes, ils ont eu une amende de 850 000 ou chose. Ouais, puis du charme, c'est rendu qu'ils se pognent les filles dans les ascenseurs, les placières. Tu sais, Ah ouais, les filles du centre. Tu sais, mettons, ceux qui travaillent dans les ascenseurs qui paient ouais, sur le là, les filles sont. Charme, Esti, c'est rendu qui. Son conjoint de fait. Il est à Vegas. Avec, avec une madame ascenseur. Il est à Vegas. Il aime ça, les hauts et les bas. Il est à Vegas. L'année passée, il était à Vegas. Il est encore là. Mais comme un assistant, je pense que c'est un bon rôle pour ce gars-là. Puis il devrait rester là pour le restant de sa vie. Ouais, c'est ça. C'est pas un mauvais coach, c'est juste qu'il a zéro charisme. Ouais, mais c'est un bon coach en junior. Avec des on a manqué l'excellent gag à JF qui a dit qu'il s'est pogné une madame ascenseur parce qu'il aime ça les hauts et les bas. C'était beau, là. Le pire, c'est que j'ai juste dit ça de même. Dans ma tête, ça avait du sens. J'ai pogné une classière d'ascenseur. Merci. Allez, réseau extrait pour le temps. Il y avait toujours un collet avec des beaucoup plus d'applaudissements dans le rimshot que de rimshot. Ouais. C'est comme... 2 secondes de rimshot, 4 secondes d'applaudissements. C'est une bonne balance. Fait qu'on a demandé à Saint-Louis pour... après 800 matchs, Gallagher, ce qu'il représente pour l'équipe. Ben, je pense qu'il représente beaucoup de tout ce qu'il a fait pour se rendre là. C'est la manière que Gallagher joue, là, c'est pas des 800 matchs à l'extérieur, la glace, tu sais là, c'est dans, il joue en dedans, il joue en avant du net, il joue, c'est des, puis je peux te garantir que sur 800 là, je sais pas combien qu'il y en a qui est vraiment à 100% là, tu sais là, côté santé, tu sais, parce que pour te rendre à ces chiffres-là, tu sais, faut que tu sois fort mentalement, faut que tu sois fort physiquement, faut que tu sois capable de prendre un petit peu de douleur, fait que non, moi je lève mon chapeau. Moi, le gars avec le petit carré avec la lumière verte, me gosse en esti. Ouais. Mais c'est vrai que t'as un micro roadie que tu t'accroches ici là-dessus quand tu podcastes, genre, là, ou que tu dis. C'est vrai que pour jouer 800 matchs, il faut que tu joues à l'intérieur de la patinoire. Ouais. Ah, la plus belle photo, c'est quelqu'un qui a. Ouais, parce que c'est juste, son 800 vaut 1600 pour d'autres gars, là. Habituellement, c'est il magané. Il donne en crise. C'est 800 matchs, jouer ça. Il est brûlé, ce gars-là. Il est magané. C'est la photo des playoffs, là. C'est 800 matchs, il avait ses patins. Ah, ouais, ça, c'est malade, ça. Ah non, mais Chris, regarde, c'est un warrior. C'est notre warrior des années modernes, là. C'est notre guerrier, je le traderai demain, mais c'est notre guerrier. Ben, on parle de Gallagher, on lui donne nos fleurs, là. On s'entend qu'il y a un bon début de saison, puis là, ça redevient plus à la normale, mais Gallagher pourrait potentiellement être racheté cet été. Ouais. Son contrat de moyenne, ça ne coûterait pas cher pour sa masse à Montréal. Il ne s'en ira pas ailleurs, c'est sûr. Ah, non, mais en même temps, lui, je resterai fini à Montréal. De nos jours, regardez, Crosby, on entend beaucoup depuis 2 ans. De rumeurs. Il va quitter. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais je veux dire, si pour Crosby, il y a des doutes sur s'il va finir sa carrière à Pittsburgh, Galley, respect, là. Ouais. Mais tu restes un plombier de luxe, je m'excuse. Ah, c'est sûr. On le paye trop, là, c'est clair. Il est trop payé. Puis je l'aime, là. Mais c'est juste que... Son contrat je pense moins cher. Je pense pas que personne... Non, c'est parce que cette année, Gallagher... Je veux pas manquer de respect, mais ça reste que c'est pas... C'est un plombier de luxe. C'est pas un Steve Yzerman ou un Joe Sakic. Ouais, mais quand il a signé son contrat, il jouait dans le top 6, puis il y avait un assez bon truc d'Ano puis Tatar. La raison pourquoi on le rachète pas tout de suite cette année, là, il va gagner 9,5 millions. Laisse faire! Gallagher, cette année, il fait 9,5 millions. Je vais mettre une copie du board. Ah oui, exact, t'as raison. Pas sa masse, mais de salaire. De salaire, puis après ça, ça tombe, là, tu vas tomber à 4 millions, ça commence à baisser. Fait que si tu le rachètes, ça va te coûter à peu près 1,6 à masse. Fait que c'est, okay, ça, ça là, va être abordable. Là, peux-tu le re-signer 1.5 après? Non, parce que quand tu le rachètes, tu ne peux pas le signer. Ouais, pourquoi? C'est ça. Racheter. Dans le règlement, tu le rachètes, mais tu peux, tu peux pas. On le met dehors, mais on te reprend pour 2 millions, puis il nous redonne 1 million en fin de la saison. Non, pas. Il prête, mais il nous redonne avec l'intérêt. Caroline! Fait que c'est pour ça que ça garde. C'est flexible, cette affaire-là. Gallagher, il joue avec Dvorak et Anderson. C'est le trio le moins sexy. Oh, man, Line, est-ce-tu? Encore deux, là. À 6.5, tu gardes Gallagher. Il reste un extrait. Ok, let's go, man. C'est un extrait sérieux, en plus. Let's go, man. Tu gardes Gallagher. Extrait. Dave, c'est la vieille. Non, mais à 6.5, jamais. Non, c'est pas un gars de 4, ça, l'affaire-là. Les gars, on s'en va sur le dernier extrait. Let's go. Ok, ouais. On parle de l'importance de la santé mentale dans, dans l'équipe parce que c'est la journée belle cause. Hey, cabotinage. Belle cause, mon cause. Tu sais, c'est. Ça parle beaucoup avec ça. T'sais, tu peux avoir les meilleures habilités. Tu peux être très fort physiquement et tout. Mais si tu n'es pas dans une bonne place mentalement, tu joues jamais à ta pleine capacité. Ça me gosse. Ils ont mis une ligne de coke, ça te tablette. On travaille là-dessus. C'est quelque chose qui est important. Il reste 5 minutes. Surtout aujourd'hui. Puis je pense. Moi, je me sens que plus que je joue en poêle de Radio-Canada, il fait dur. Ça vient quelque chose qui est très important puis sensible. Fait que je pense que dealer avec ça, avec ma propre famille, je pense que ça m'aide à dealer avec les jeunes joueurs. Ce n'est pas tous des jeunes joueurs, mais pour moi, sont des jeunes joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quasiment l'âge de mes enfants. Alors, c'est quelque chose qu'on porte attention. Beau petit moment. C'est sûr, la soirée, tu vas coucher, tu vas être déçu, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça. Un bon père. Genre, j'en ai pas que le monde voulait le colisser dehors toute saison. Non, mais c'est parce que. C'est Montréal, c'est-tu. Non, c'est parce que tu lis les médias sociaux. Faut pas te dire. Faut pas te dire. Champion de l'inscription! Marinaro! Peut-être. Ici, la joie. C'était tout du monde qui voulait qu'ils se fassent colisser dehors pour. Mais c'est des sensationnalistes, c'est pas des journalistes. C'est des gens qui veulent faire des clics. Oh, X. C'est quoi ça? Toi, genre. Ah! Va sur Mastodon, je sais pas quoi, là. Ouais, va sur Blue Sky. Blue Sky. Va sur la plateforme de Trump. True Social. Et nous, on va les faire. On va les faire. Blue Sky, c'est un nouveau sur Blue Sky. Blue Sky, c'est la vague qui sort, là. Place de pédophile. Nice. On va voir ça, on va revenir à la troisième période. On revient à troisième. Power Jeff, es-tu parti? Parce qu'il me semble qu'il a posé une question pendant une période. Il y avait probablement trop de problèmes techniques. Je vais être trop long, ça. Un show. Technique. Il y a presque déjà deux heures pour deux périodes. Je pense qu'on est retour pour la troisième période. On a perdu du monde. Il est rendu 9h50. Et on va se gâter avec Around the NHL. Avec Around the NHL. Bonne année tout le monde. J'avais oublié de changer. J'ai oublié de changer, puis je fais ah, c'est vrai, il fallait que je le change. Bonne mais bon. Année. C'est quoi la limite pour genre dire bonne année? C'est là. 1er février. 1er février. C'est ça, vrai? Non, non. T'as beaucoup de lousse, toi. Moi, j'ai juste. Moi, quelqu'un me l'a dit aujourd'hui, ça m'écœure. Pendant le mois de février, il y a deux semaines. Encore des clients qui me le disent des fois. Bonne année. Ouais, du 9 au. Mais là, je sais que 12 au 20, c'est 2 au 10. 12 au 20, me semble. 12 au 20, peut-être. Ben, c'est deux semaines. C'est deux semaines. Y a-t-il un match des étoiles cette année? À la fin du podcast, non, on vous dira d'ailleurs les trois derniers épisodes qui nous restent de saison. On va rester à la coûte. Ouais, okay. Février, mars, avril. Si on fait playoff, en avril, on continue. Okay. On verra rendu là, mais sinon. Et on continue! On va espérer, sinon, ça sera ça. Qu'est-ce que vous aimeriez mieux que Montréal fasse les playoffs? Ben oui! On l'a dit qu'on et est. Et affronte Toronto pour perdre dans 4 games. On les bat Toronto. On bat Toronto. On défonce Toronto, mon gars. Attention, boum! Imagine ça. Crash d'en face. Never gonna happen, man. On va toujours battre Toronto. Moi, je me vois acheter caisse de Modelo avec l'argent qu'Alexandre va me donner. Non, moi, je te vois que tu vas me donner 20$. Ça va faire moi, je nous vois, Alex, au casino, on va mettre le 20$. Je dis, OK, on va le filmer. Il va passer, il gagne 20 000. Ça, c'est le 20$ à manette. Ouais, 20 000. On sort un jackpot à Wheel of Fortune. Tu vas m'inviter à boire un verre, j'espère. Juste un. Une Molson, une Modelo. Tu vas acheter le Modelo. Non, non, je veux que ce soit quelque chose de fort, Resti. Justement, parlant de fort, c'était bon, hein? Hey, un autre shooter, Esti. Un autre shooter, let's go. On est en troisième période. Ouais. Si vous conduisez, vous pouvez ne pas l'en faire. C'est festival, on parle de l'international. Là. Shooter. C'est la bouteille LSDP, faites ce que vous voulez avec. OK. Moi, on est dans la Road NHL. Je peux te dire de quoi rapide avant là, qu'on embarque dans le sérieux? Oui, tu vois, ouais. Dans à peu près 3 semaines, je vais avoir la victoire de Montréal. Oh! J'ai hâte. Ça va être cool. Je pourrais peut-être faire un petit compte rendu. Ouais, rapide, les fait des petites vidéos. C'est une lesbienne. C'est un show de lesbienne. Hey, ça a l'air que c'est vrai. Ça a l'air que c'est vrai. Il y a une fille qui est allée voir le hockey. C'est un show de lesbienne. On va en prendre un petit peu comme ça. Ça va être bien correct. Elle dit écoute, j'allais avec une de mes amies, là, puis elle dit je m'étais tout arrangé. Elle dit c'était plein de lesbiennes. C'est clair. Dans la foule. Dans la foule, il y a plein de lesbiennes. Puis elle dit c'est hot, par exemple, le show. Le show de lesbienne? Non, mais c'est sûr qu'il n'était pas rentré de lesbienne. Un peu plus. Le point est, on s'en calisse. Ben, ça a l'air que, tu sais, ils font vraiment. C'est vraiment c'est axé très féminin. La ligne, ouais, c'est un nom, je pense. Et ça va répondre, c'est un nom, on s'en calisse. Mais c'est parce que ça a l'air que, tu sais, ils mettent vraiment des tours avec des sujets féminins. Puis, tu sais, genre, c'est vraiment, tu sais, comme axé sur la femme, là, tu sais. Mais why not? Ça a l'air que le show est vraiment bon pour vrai. Mais j'ai hâte de voir ça. Mais gars, on fait du temps, là. Un fond mini. Juste pour me tremper les lèvres. OK! Une simple larme. Comme hey. Ça, c'est à moi, celle-là. Mets ça dans le Negroni. Ouais, mais non, le Negroni est à côté. Là. Ah, mais en plus, il dort ici. Dans mon petit N. Ouais, moi, je bouge pas. On fait sortir une tank tantôt, mais c'est le tout. Le petit Tori. Vous allez la sortir, puis moi, je vais vous regarder. Toki, Tori. Hey, man. Toki, sonne Tori. Hey, c'est rendu une habitude de prendre des shooters. C'était même pas des beaux jeux de même. Est-ce que vous en preniez tout le temps, mettons, les autres? Oui, les trois derniers shows, on a fait la bouteille. Parce qu'on est rendu plus vieux. On devait pas en trois shows. On est rendu plus fancy après un bout du whisky. Du whisky Toki japonais. Il est là, le tien, ouais. Ah, t'es échappé? Ça prendrait des petits coupes comme ça. Ouais, C'est-à-dire que Manette nous a pas écouté pendant qu'il était pas là. Dans le fond, ça prendrait des coupes plus comme celle de Fucker, de Nick. T'écoutes pas le podcast? Ouais, mais j'en ai plein. J'en non, on se la tourne un peu. En train de faire, c'est une crise de panique. Non, mais pour vrai, faut se commander des shooters à SDP. Les gars, ouais. C'est vrai, faut trouver ça. On s'en fait faire là. Sentez-le. Dominique Duchamp avec son collet beige. Cheers, tout le monde. On prend à 5 minutes de la période pour faire un shooter. Hey, c'est malade. C'est un petit whisky. Dominique Ducharme, le Nosferatu du Québec. Tabarnak. Ah, mais tu sais, tu peux le tourner dans ta bouche puis l'avaler avant. Ouais. Tu sais, tu le tournes puis ça brûle même pas. Non, il est tout doux. Là. Non, c'est vrai, ça goûte bon, man. La NHL se prépare à la retraite de Gary Bettman d'ici une couple d'années. Le processus pour trouver un successeur est commencé. C'est impressionnant. GF. Bettman prend enfin sa retraite. Ça va être commandite. OK! Bettman va shaker jusqu'à la retraite. Ouais, fait que. tu sais, dans le fond, là, pour remplacer Bettman. C'est ça qui plus d'alcool. Qui pensez-vous, genre, qui pourrait prendre sa place? Es-tu quelqu'un, mettons, un ancien joueur, style? Ouais, moi, j'ai comme un feeling que George Parros serait sa liste. J'aimerais pas ça, George Parros. Parce qu'il fait partie du comité de. Stéphane Quintal. George Parros, j'aurais aimé ça, Stéphane Quintal, un Québécois. Comme pour remplacer Bettman. Jamais de la vie. Non, ils vont mettre un Américain. Ça va être un Américain en tabarnak. C'est quelqu'un qui prend sa retraite. Il va être en tabarnak. C'était pas Bill Daly, le. Non, c'est le gars de la NHL. Bill Daly, c'est comme le bras droit des joueurs. Il disait pas qu'il était genre le premier sur la liste pour ça. J'ai un feeling qu'ils vont aller chercher peut-être quelqu'un d'un autre sport majeur. Ou c'est possible, ça. Mais qui? Oui. Bettman, il venait de la NBA, je crois. Ouais. Exact. Hier, je me suis couché. J'ai l'impression qu'ils vont aller chercher quelqu'un. Parce que quelqu'un de l'extérieur. Il a 12 ans, le tabarnak. Ouais, ouais. Mais regarde, Bettman, rapidement, je l'aime pas. Fucking midget. Pour le hockey au Canada, il a rien fait. Nice. Mais pour le hockey aux États-Unis, le gars, il y en a business à un autre niveau. Pour la NHL, d'un point de vue businessman, mais il a good pas le job. D'un point de vue sympathique, puis une personne qui t'aime, mais on s'en sac. Le GF a dit que ça prend un Triple H. On n'aura plus jamais quelqu'un. Non, je reste pour le Canada. On s'entend que le marché canadien, c'est pas là que mais l'argent est. Mais il est acquis. Non, mais c'est pas ça. Il est acquis. Il y a de l'argent au Canada. Ils font quasiment autant d'argent juste au Canada avec les peu d'équipes que s'ils font dans toute la ligue au complet. Non, mais tu parles de la TV publicitaire. C'est pas juste. Mais c'est un marché facile. Marché facile, plus c'est de notre sport. Non, mais au sein, c'est parce qu'il y a plus de monde. Pas d'argent. C'est bien plus grand, c'est pour ça qu'ils font plus d'argent. C'est ça, ils font plus d'argent parce qu'il y a plus d'équipes. Mais si l'intérêt est beaucoup plus ici qu'aux States, mais l'argent est aux States. Non, mais le Canada, c'est combien de tièmes part le sport? Sport aux States, tu sais, c'est ça. Quatrième? Peut-être trois, quatrième. C'est égal avec la lutte. Ouais, parce que dans le fond, t'as le baseball et le sport numéro un. Football à star. Après ça, l'NBA est en avant de la NHL. Les amis. Baseball, NBA, puis hockey. Je vais rajouter un. Baseball, il y a football. puis il y a football NCAA. C'est vrai. Ouais, quand ces deux sports-là sont plus hauts que la NHL. Je vais mettre quand même juste le foot en général. Le foot en général est number one. Mais au Texas, c'est comme deux ligues. Oui, mais deuxième baseball. Sport. Ouais, ça, baseball, basket en deuxième. Au Texas, le football bantam. Après ça, basket. Après ça, le hockey peut-être. Ou genre la crosse. La crosse au Canada. Non, mais la MLS dans pas long, elle va battre la NHL, le Chris, aux États-Unis. Non, je penserais pas, par exemple. Ça, c'est un long shot parce qu'il n'apprécie pas vraiment le monde qui tombe à se faire pousser un petit peu. Mais ça pour dire, j'ai aucune idée, j'ai pas pensé à aucun candidat qui pourrait remplacer Batman. J'ai aucune idée, mais ça va être un gestionnaire. Que ça pourrait être un gars qui sort de l'extérieur. Ah ouais, ça va être un gestionnaire. Non, je sais pas. Ça me fait penser à un venture capitalism. Quand vous avez parlé de... un manager de fonds mutuels. Quel rang est le hockey aux États-Unis? Gilbert Delorme m'avait dit il y a quelques semaines que la pression est aussi forte à Columbus qu'à Montréal côté médias. Il est sous, lui, aussi. Et c'est ça. Ben, c'est... Non, mais écoute... Il y a un journaliste à Montréal, il doit en avoir 25, est-ce, juste pour couvrir... Juste pour l'entraînement du CH. Ouais. Tu veux t'avoir comment il y avait beaucoup de micros pour les extraits que c'était genre à Brossard, là? C'est quoi, tu vois, ouais, là? C'est ça. Yeah. Ice hockey, c'est le quatrième. Ouais, puis bientôt, la MLS va dépasser soccer. Le hockey. Yeah. Mais je dépassais, je sais pas, c'est football, c'est sûr. American football, baseball, basketball, ice hockey. Ouais. Voilà. Ça, c'est Gemini, t'sais. Ça aurait été vos stats pour la soirée. Ça, on va demander à Gronk. Ouais, ouais. Toi, on vous rappelle de ne pas vous fier à nos stats. Toi, t'es vraiment un du AI. Là. On est juste un show d'humour ici. Là. C'est ça. Mais ouais, non, mais écoute, on va voir ce que ça va donner. Mais non, c'est ça, ça va être un gars d'affaires, guys. C'est It's a business. It's going to be somebody from business. Une canette de Moretti. Ça me met sur deuxième sujet. Ouais, vas-y, parce que les autres parlent de bière, puis les autres, on parle de business. Fait qu'on va parler d'Alan Wash. Les gars. Hein? Moi, c'est 3,30. Toi, c'est 3,55. C'est pas si loin que ça. Non, c'est parce que j'ai trop petite. À moins que t'as une petite grosse main. Ben moi, j'ai 3,55. J'ai pas des grosses mains, des toutes petites mains. Oui, ça, gars. C'est quand même une canette normale. Des mains comme Trump. Ça suffit, là. Ben, c'est pas vrai, ça. Fait que selon Alan Wash, le prochain contrat de TV de la NHL au Canada pourrait être triplé. Les gars, ils vont tripler le contrat de la NHL au Canada, selon Alan Wash. Alan Wash. Ouais, Alan fait Wash. Wash. Une valeur entre 10 et 15 milliards US. Fuck pour Rogers. La TV. Je voulais attaquer Alex. Il n'y a pas le droit de commenter sur cette nouvelle, Alex. Ah, je peux pas rien dire. Mais... c'est vrai. Je pensais à toi quand j'ai écrit ça. Alex, il vient de faire sa job là, directement. Je peux te dire de quoi? Je peux te dire de quoi? Non, ouais, non. Je le sais pas. Je le sais pas. Rollable. Je ne sais pas si ça va arriver parce que. Oui, t'as Amazon. J'ai eu peur pour toi. T'as Amazon qui est un nouveau joueur dans, pour les droits de diffusion. Les On Bell, parle au Canada. Non? Oui, les Bell, les Bell. Ils iront pas là. Vidéotron, pas assez d'argent. Puis TV Sport font juste. Ils bon, plantent, sont en faillite, les sont deux. En chenoute. Sportsnet, je pense pas que ça va mal tant que ça. Puis TSN, ça fait partie de Bell. Fait que quand on regarde les diffuseurs canadiens en ce moment, puis Radio-Canada ira pas là. L'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont être surpris peut-être pour le où est-ce que ça se rend. Parce que Amazon va gagner, puis je pense que les autres joueurs vont essayer de négocier avec Amazon direct au lieu d'aller négocier avec la NHL pour avoir les droits. Puis si on regarde au Québec, RDS est bien mieux de se positionner d'avoir déjà une connexion avec Amazon comme ils sont en train de faire. Parce que RDS, jusqu'à récemment, on pouvait juste l'avoir avec le câble. Maintenant, moi, mon subscription de RDS, c'est via Amazon Prime. Ça, c'est fou. Je ne savais pas que c'était disponible. Ah, ça, je ne savais pas que c'était disponible. Ouais. Mais par contre, la raison pourquoi que RDS a les droits des matchs, c'est juste pour la version en français parce que Sportsnet, ils n'ont pas les droits en anglais. Oui. Ouais. Puis si Amazon a le contrat... C'est TSN l'équivalent, par exemple, de RDS en anglais. Coupe ouais, le câble. Sportsnet, recoupe le câble. Recoupe le câble. Après ça, abonne-toi à 12 500 affaires qui te coûtent plus cher que le câble. Ouais, non, ouais. Non, mais, ouais, mais le débat, c'est juste que comme RDS, Vidéotron, Sportsnet, je sais pas s'ils vont aller pour essayer de gagner les droits de diffusion des équipes. Pour c'est vrai, je pense que le problème, c'est que là les majors en ce moment, comme tout ce qui est streaming, qui ont comme... qui sont mettons, là, tu vas prendre Amazon Prime, tu vas prendre Netflix, ben, le Disney Plus s'en va vers là un peu, mais je pense que c'est pas le même genre de contenu de toute façon. Peut-être pas, ouais. Mais bon. Apple TV pourrait s'en aller. Apple là-dedans. TV peut-être. Apple TV, soccer, ont un MLS. Exactement. Fait que, tu sais, toutes ces majors-là dans le streaming qui sont habitués, ben là, tu sais, les autres, ils ont fucking du cash. Et les infrastructures aussi. Ils ont tellement déjà, du cash, puis ils ont tout ce qu'il faut. Fait que là, tu sais, genre, c'est comme eux autres sont prêts à recevoir. Ah, mais c'est pas le même ce niveau. Ce genre de produit-là. C'est des. Mais c'est parce que aussi le... mais on parle d'une business qui vaut des milliards versus mettons que GSM, Telus, Bell et Rogers au Canada, ah, ça reste ça, pas le même niveau qu'Amazon puis Netflix. Oui, mais non, c'est ça, ils ont pas le même point de vue valeur puis qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre sur la table pour avoir de, je veux dire le budget annuel de pour de la diffusion de sport, mais mettons tous les sports vont finir de Sportsnet, c'est l'équivalent d'un film que Netflix supporte, genre, quand ils décident de produire un film à grosse échelle. Ah, c'est je veux dire, c'est à grande échelle, c'est pas le même niveau. Peut-être que non. Okay, non, mais tu peux ça le dire. Plus que ça, mais tu comprends, ouais. C'est pas si loin. Je veux dire, Netflix qui fait un gros blockbuster qui vont mettre 150 okay, mettons, millions. The Crown, ouais, c'est 100, mettons, c'est 100 millions. Mettons, OK, Ring of Power. C'est quoi? 80 millions par épisode. Mais c'est ça, mais ouais. Sportsnet, son budget annuel non, de diffusion de games... Rogers a payé quoi? 5,2 milliards? Pour combien de temps? Pour 12 ans. 12 ans. Ouais. 12 ans. Là, on parle de 15 milliards. 80 millions par épisode. Ça fait combien après 5 ans s'il y a 5 saisons? Ah, attends, non, ils feront jamais ça. Là, c'est pas rentable. Même ça, faut pas t'oublier la rentabilité. Là. Tu paieras pas n'importe quel ouais, prix mais, si c'est mais pas rentable. Que... Ah, mais, ah, comment de subscribers on parle de tu combien, vas emmener? Ouais, mais attends, là, c'est parce que ça se compare moyen dans un sens. Parce que là, tu mais parles... Combien tu parles, d'abonnés tu vas emmener? Dans, ouais, mais dans, pas juste ça. Tu parles, ouais, d'un, tu parles d'un show quand tu parles c'est de hockey. C'est pas un marché parles, super hot aux States. Tu parles d'un show, t'as combien d'épisodes de hockey? Tu vas en avoir des centaines. T'en as des centaines de c'est 82 fois 30. Payé, dire, non, t'as pas 82 parce que mais tout, les non, droits de diffusion, en tout cas. On s'entend qu'il y a beaucoup de games. Ouais, je comprends. Il y a beaucoup de games. Fait que, à un moment donné, tu peux pas non plus arriver à des. C'est pas l'équivalent, c'est pas une game pour un film. Je comprends ce que tu veux dire. Si il manque 15 millions. Non, ou un épisode. Parce que chaque game n'a pas la même importance, puis chaque équipe n'a pas la même importance. Non, mais c'est combien d'argent. Il n'y a pas le même marché partout. Combien d'abonnés tu vas emmener par rapport à ça? C'est juste pas le même niveau de cash. T'en amèneras pas d'abonnés. Yeah, but everybody can pay it. OK, fait que Rogers peut le payer. Amazon peut le payer. Mais ils veulent plus le payer parce que si tu regardes. Okay, mais ça, mais est-ce que c'est rentable? Parce que là, Amazon va essayer, ils vont faire le même exercice que Rogers. Mais Amazon, oui. Même s'ils ont des milliards de plus, ils ont peut-être. Oh, ils vont peut-être, faire le contrat. Ils vont faire de l'argent avec absolument. Ça. Absolument. Mais t'as raison, Alex. Mais l'affaire, si tu regardes, mettons, le dernier contrat qui était le plus gros contrat dans l'histoire de la NHL au Canada, yep. Parce que ça fait juste augmenter ça tout le temps. Ça se peut que ça soit réduit. Tu regardes TVA Sport qui ont juste les games de la fin de semaine qui sont allés chercher de RDS qu'il y avait avant en exclusivité. Yep. Mais là, on parle au Québec. Là. Ils sont en faillite. Ils font juste perdre l'argent depuis qu'ils ont pogné le contrat parce que ils ont payé un prix ils pensaient pour le contrat. Ils pensaient avoir du cash puis ils se sont ouais, fait avoir. Puis RDS aussi perd de l'argent parce que le viewership a okay, descendu. OK, mais faites ça attention. Ouais, mais là, après aussi, ça, parce que là, isoles, après mais ça, est-ce là, que Bell Media avec TSN a perdu de l'argent? Ou... Mais check bien, après ça, qu'est-ce qui se passe? Mais TSN, après, tu vas avoir de l'argent. Mais TSN à Ottawa, mais ils n'ont plus le Canadien. Rogers ne perd pas d'argent. TSN sont allés chercher les games de non, mais en français. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Français, tu vas avoir un Amazon qui va aller chercher les games, mettons. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se revirer de bord, ils vont charger plus au monde. Amazon, ils sont pas ouais, mais là, ils vont perdre des subscribers. Fait que là, c'est ils ça, c'est vraiment. C'est ballant, non, tu vas dire genre. Ah, on a fait des améliorations dans notre système. On va vous charger $1 de plus par mois. Sur combien? Pour tout le monde? Là, on va faire comme. Ah, $1 de plus. Ah, ok, c'est ça, peut-être. Mais ouais. Comme. On va aller chercher, je sais pas combien de centaines de millions ouais. Mais je pense qu'Alex a l'approche de ce que tu dis rapidement. C'est que, regarde, Amazon va payer le gros cash pour l'avoir, les droits. Fait que peut-être qu'on va se rendre à un esti de prix comme que GF non, a pas mentionné. Besoin. Mais l'affaire que je pense, c'est que là, les TVA Sport et les RDS vont s'arracher une entente avec Amazon pour avoir les droits pour diffuser en français les games. Moi, je leur dis fuck you s'ils font ça. Amazon va aller chercher les talents d'RDS comme Marc Denis. Ils vont payer un gros prix et ils vont dire je veux que tu sois le lanceur officiel ou le présentateur, peu importe, le commentateur des games. Mais à partir s'ils de maintenant, font pas ça, ils vont ça faire pas, une ils team vont, de ils vont planter c'est... parce que ça marchera pas. Moi, honnêtement, je n'écouterai pas le hockey en français. Non, mais, si c'est non, mais pas demain Marc matin, Denis, c'est pas... oui, ils mais vont le faire demain pour matin, un public connaître l'histoire française. S'ils payent 300 000 par année, Marc Denis puis Pierre Roude, puis ils disent tu vas faire toutes les games, même affaire, mais ça va être l'équipe Amazon maintenant, puis c'est vous autres les commentateurs. Ils vont le faire. Nous autres, on va faire let's go. Moi, je vais faire comme hey Chris, moins dur à trouver sur Internet. Non, mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que t'as beaucoup de monde au Québec qui parle pas anglais. Fait qu'ils vont payer pour avoir une version française des games, puis le monde va l'écouter en français parce qu'au Québec, tu as un marché pour ça. La lutte, Netflix, ils ont engagé Pat Laprade puis Kevin Laforêt pour faire Kevin la version Laforêt, française. Regarde. Puis là, Netflix a annoncé, qu'est-ce qu'ils ont annoncé récemment, c'est qu'ils vont sûrement augmenter les prix. Là. Ouais, mais ça, c'est à toutes les années. C'est drôle, hein, WWE qui est arrivé. Les gars, je regarde les résultats financiers. Rogers Media, ça augmente. Non, puis l'autre affaire aussi qu'Amazon peut faire pour aller chercher de l'argent de plus, c'est que Amazon pourrait devenir distributeur pour tous les accessoires de vente de NHL, mettons toutes les jerseys de Fanatic, casquettes, t-shirts, peu importe, ils peuvent vendre ça sur Amazon Prime maintenant. Ouais, c'est sûr. Ça devient le fournisseur officiel pour acheter. Si je serais la NHL, c'est sûr, c'est moi je me si NHL. Ouais, merci. Fait que là, mettons quelqu'un veut s'acheter un chandail du Canadien, tu le commandes sur Amazon. Si je serais, puis tu payes pas de frais de pétition. Parce que si tu commandes sur le site de Tricolore pour Tricolore Sport, ouais, Tricolore, là, ouais. Faut que tu achètes pour, je pense, 100 pièces ou 200 pièces pour pas avoir de shipping pour être livré par eux autres. Puis si tu veux sauver des sous, il faut que tu le fasses livrer directement à la boutique du Canadien, là, à la tour CN. Fais attention, par exemple. Parce que en faisant affaire avec Amazon et tout, puis ils veulent que tu shippes tes affaires et tout, mais ils oublient pas, ils vont te mettre un... Mettre le pied à terre, les autres. Ils vont finir par payer, je suis complètement d'accord avec toi. NHL va faire comme. La NHL va vouloir être sur Amazon. C'est plus ça. Fait que, tu sais, c'est plus un gain de la NHL. La NHL sur Amazon, ils n'auront jamais fait autant d'argent, la NHL. La NHL va vouloir aller sur Amazon. C'est pas Amazon qui a besoin de la NHL. Ils vont être payés. Je peux-tu vous amener? La masse salariale. La NHL a besoin d'Amazon. Je vais juste bifurquer un peu. Depuis qu'on a les Monday Night Hockey Canada, à Amazon. Hey, je l'ai écouté c'est hot. Une fois. It's okay. Ils ont des plans de caméra. Il y a une qualité de production. Tu peux l'écouter. C'est vrai que la production est assez à coche, mais je l'ai écouté une fois. La raison pourquoi je l'ai écouté juste une fois, c'est que... Parce que c'était sur curieux. J'étais curieux. Moi, toujours curieux. Mais j'aime mieux Pierre. Ça me manque Pierre. J'ai besoin de Pierre. Ouais, mais ils vont s'ajuster pour le Québec. Marc, il est bon. Il fait des arrêts sur le banc. Oui, Pierre, tu sais, Pierre, c'est Pierre. Ça nous prend Pierre. C'est Amazon. Ils engagent Pierre puis ils font une couverture en français. Ah non, il y a un fuck about la BS. Ils sont pas caves, ils vont prendre le meilleur. Belle. C'est fuck belle. Ils vont prendre tous les analystes de RDS. C'est qui après Pierre? Puis TVA Sport, ils vont faire un Dream Team. Marc a fait un discours. Quand Pierre s'est fait honorer en bas, c'est Marc qui a commencé le match, puis il était excellent. Non, mais Marc, il est malade. C'est lui, ça va être lui, man. C'est Marc, c'est le futur. Sinon, tu vas chercher McGuire puis Dubé. Ça va être qui, là? Ouais. Ça va être qui? McGuire. Ah, mais who cares about that? En bas, ça peut être n'importe qui. Mais on vient de faire une demi-heure. En bas, ça peut être Gilbert. T'engages les meilleurs, puis tu peux même faire un after show, un genre d'antichambre, mais de qualité. Avec les analystes. C'est juste la plateforme va changer. L'after party avec la soirée du podcast. C'est des Negronis. Ah oui, amène show. Ah ouais, pour de vrai, guys, ils vont juste changer la plateforme. C'est juste plate pour les... OK, bye! Les vieux monsieur, genre, qui écoutent leur hockey là, sur leur divan, là, avec leur couverte. Là. Eux autres, penses-tu vraiment qu'ils vont être capables d'écouter leur hockey ici? Ok, je veux juste penser à mon père, là. Oublie ça, s'il n'est pas capable d'allumer sa télé sur Amazon. C'est fini pour les personnes, mettons, d'un certain âge qui ne sont pas à l'aise avec la technologie. Ils ne pourront plus que tu le hockey, eux autres. Mais ça, si, man, si ta TV au cou, le piton est là, mais Amazon. Je suis d'accord avec toi. Mon père, quand il fait ça, si ça tombe directement. Oui, ma belle-mère, elle dit je vais écouter Yellowstone, vous allez dans la cave, mettre l'épisode. Tu peux pas faire genre la manette de Helix. Oh, yeah. Ma mère, là, elle s'accroche, elle va sur tout, puis elle pète tout et tout, là, mais ça y va pareil, puis elle se débrouille en crise. Mon oncle m'a appelé deux semaines dessus parce que son internet ne marchait pas, puis c'est sa manette. Ma mère, elle va genre sur Netflix, Steam, puis let's go. Oui, ça, ma belle-mère, non pas. Mais que, fait, oui, ça va être dur pour les gens âgés, mais je veux pas que c'est ça qui va arriver. Ben moi, je vois déjà mes parents m'appeler et dire « Comment qu'on fait pour écouter le hockey? » « Chris, la game était hier! » C'est ça. Ça va comme The Zone. Je vais finir sur quelque chose, moi, les gars, ici. Brad Marchand qui attrape Nick Cousins par la gorge avec pas de gants. Là. Il se dégante pour... On peut mettre du YouTube directement pendant le show. Avec une pub et subscribe par-dessus. C'est quoi ça? C'est pas clip comique. Ça, c'est GF qui m'a donné un lien. J'ai pris le premier que j'ai vu avec le plus de views. Fait que là, dans le fond, le gars, il fait sa présentation. Puis après ça, il va mettre la vidéo là. Puis moi, ça me fait jouer quand je vois un joueur des Sénateurs se faire être en anglais. Tu capotes, là. Hey, il enlève son gant pour y mettre. Hey. Puis j'espère qu'il avait les doigts moites. Ah, ouais, c'est sûr que oui. Collé, ça sentait sûrement la barbe. Genre les Doritos, là, la moisissure. Là. Mais ça, je dis, ça mérite-tu genre de quoi? Une succession. Okay, une... right, hey, non, parce que. Il a enlevé son gant pour le y mettre la main en gorge. D'où? Si vous voulez qu'il sente sa main, il veut pas. Ça date de quand, ça? Ça date de début de la semaine? Cette semaine. Il y a deux jours. Il n'y a rien eu. Il n'y a même pas non, eu George Parros ne l'a pas appelé. Hey, là. Il n'a pas dit comme ça. Hey, Brad, fais pas ça. Là. Hey, comment vous avez trouvé ça, la suspension de McDavid? Oh, good. C'était mérité. C'est un dirty player. Dans la vie, là. En même temps, l'autre est tout mérité en tabarnak à un moment donné. Moi, tout j'aurais pété. Non, c'est ça, mais. Il y a de quoi, je peux dire rapide. Non. L'affaire, c'est que. McDavid, il avait déjà fait ça auparavant. Il avait déjà eu, je pense, un match où il s'était fait avertir ou whatever. C'est pas sa première suspension. OK, je pense pas. Mais l'affaire que je vais dire, c'est que oui, t'es pas supposé faire ça au hockey. Après ça, moi, j'aimerais ça me poser la question sur... Des fois, on juge la conséquence, puis on juge pas la raison ou la cause. Puis Garland, c'est un tabarnak. Là, ouais, mais avant, là. Garland, il check fait chier tout le monde dans toute la ligue. Check la séquence au complet. Check, avant, check la séquence. Il est embarqué. Man, écoute, il est embarqué. Exactement. Dessus, là, il lâche pas. Là, moi, puis toi, puis n'importe qui d'autre, là, aurait fait la même affaire. Si GF, là, même si je t'aime bien séquence. GF, là, mais si tu m'embarques de même comme Garland l'a fait, là, je te calisse une claque après. Ça veut pas dire que je vais être capable. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde se rend tabarnak. Ce que je veux dire, c'est plus. C'est pas l'idée, c'est juste. N'importe qui se rend tabarnak de se faire faire ça, tu comprends? C'est juste l'idée de, à un moment donné, esti, là, Garland, c'est un tabarnak. Il fait ça à toutes les calices de game. Il fait chier tout le monde. Oui, c'est sa game, sure. Mais comment je pourrais dire ça? Le préfet de discipline de la Ligue nationale aurait pu faire. Le préfet ouais, de discipline? Ouais, mais c'est Garland qui l'a fait. C'est un tabarnak. On comprend. T'aurais pas dû faire ça. Puis peut-être un match, trois. C'est pas que je trouve ça trop sévère. C'est juste qu'on punit la conséquence. On regarde pas la cause. Puis, si ça avait été, exemple, Lane Hudson qui avait fait ça, puis là, il avait pété une coche sur Lane Hudson, on dirait, Chris, Lane, il fait jamais rien à personne. Fait que c'est toi qui as été cave, là. T'as capoté, là. T'as perdu la tête, là. Mais là, Garland, ben, je comprends sa ton job, point, c'est de là, faire chier le monde dans vie. À un moment donné, là, de faire chier mais le monde, il y a des cas. Je comprends ton point, mais en même temps, tu sais, je vous ai trois matchs, c'est pas la fin du monde. Ben, c'est une plus, semaine, tu sais, c'est pas... Non, mais l'affaire qui me fait chier, t'as raison, c'est pas la fin du monde. Mais Garland, mais lui, mais il a rien, puis exemple, c'est la victime en ce moment, mais c'est le tabarnak qui fait ça à tous les hosties de game de sa vie. Yeah. Lui, là, il se dit, là, sur le plan de match là, du coach, c'est Garland, you're gonna take care of McDavid. Hey, Garland, you're gonna take care of Crosby. Hey, man, Kucherov tonight. Tu sais, c'est ça le plan. Kucherov, c'est correct. Puis ce que je veux dire, c'est juste, ce gars-là, genre, sa job, c'est de faire chier les vedettes de l'autre bord. Puis ça fait partie du plan de match de l'autre équipe. Puis c'est bien correct, c'est le même hockey. Mais à un moment donné, c'est bien normal que tu manges des shots. T'es un tabarnak tout le long de la game à la saison complète. Ouais, mais ça échoue pas le geste. Je pense que le problème, c'est plus le cross-check sur le side sur ouais, sa manche. Je suis d'accord avec toi, mais. Je suis 100% d'accord, là. Mais... le cross-check sur la mâchoire. C'est pas parce que Marchand, c'est un petit Chris que t'as le droit. Non, c'est ça. Puis que ce soit McDavid. Il aurait fait le même cross-check. Mais c'est le same thing. Non, mais il aurait fait. T'es content d'avoir arrivé. Il aurait fait le même cross-check, là, juste ici. Ah! Où est-ce qu'il n'y a pas de culotte, là? Ça aurait fait très mal aussi. Puis, les punches de fin de fin de podcast, c'est qu'il n'y a pas de culotte. Moi, j'espère que Garland, ça lui a coûté une coupe de mille en dents. Ouais. Je pense pas. Il y avait-tu un call-out pour finir le jeu? Ouais, mais tu sais, dans le fond, là, que ce soit McDavid ou Pezzetta. On les fera pas, on a dépassé beaucoup. Que ce soit McDavid ou Pezzetta qui font le geste que McDavid a fait cette semaine, là. Les deux font caca si le matin. C'est vrai. Fait que fait peu importe caca. C'est qui, que tu t'appelles McDavid, des fois, c'est pas tout le matin, tu vas avoir trois matchs. C'est le geste, malheureusement, parce que le contexte... Tu sais, c'est une game de hockey à un moment donné. Là. Oui, tu sais, Garland, là, dans le fond, là, c'est lui qui mérite d'avoir des fleurs. Garland. Parce qu'il a fait exactement... Il a fait plus que qu'est-ce qu'il s'attendait à faire. Il voulait faire chier McDavid, puis en plus, il l'a suspendu. McDavid. Il fait sa job. C'est des équipes aussi qui sont en compétition pour une place en série, puis tout ça. Fait que là, tu viens d'enlever le meilleur joueur de la ligue. Parce que tu l'as fait chier. Fait que c'est McDavid qui n'a pas gardé son sang-froid. Fait que McDavid, regarde, c'est tout chez vous trois jours. Mais je suis d'accord avec toi que le numéro en arrière du jersey ne devrait pas avoir d'importance sur le nombre de matchs puis la suspension ou la sévérité de la punition pour la personne. C'est ça. À moins qu'il y ait des antécédents, là, tu peux donner plus de matchs. Mais là, ouais, c'est trois matchs, le geste, un geste c'est de Matt Cook, tu lui donnes 45 matchs. Genre, ben, 45, c'est ça. Hein. Puis là, McDavid, il a fait son Matt Cook cette fois-là. Ouais. Bon. On peut avoir un dernier sujet avant de closer ça. Très rapidement. Ah, mais j'aimerais ça discuter de du team du millénaire. Avez-vous vu ça passer? Non. La NHL a sorti le team du millénaire, puis le top 6 du Canadien pour le millénaire, c'est Koivu, Kovalev, Plekanec, Markov, Weber et Price. C'est dégueulasse. Ouais. C'est Plekhi, dégueulasse. Plekhi, man. Puis Plekhi, tabarnak. C'est 14. Là, tu comprends pourquoi que Montréal n'a jamais gagné de Coupe Stanley dans cette période-là. Quand tu regardes ça, là, c'est asti, man. Price, il n'y a aucun doute sur Price. Price est correct. Mais quand tu regardes. Mais quand tu regardes tous ces gars-là, là, Chris, y en a-tu un là-dedans que c'est une superstar? Y a-tu quelqu'un là-dedans qui a scoré 40 Price, buts? Y a-tu quelqu'un qui a fait 100 points? Weber puis Price, c'est superstar. Enlève le goaler. Y a-tu quelqu'un qui a fait 100 points là-dedans? Mais attends, mais je vais te dire de quoi. Puis c'est pas l'équivalent de l'Avalanche. Je vais te dire rapidement, l'Avalanche, c'était genre Forsberg, Sakic, McKinnon, McCarr, Foot puis Patrick Roy. Genre, c'est même pas comparable. Puis Patrick Roy, il est à nous autres. Ça, c'est la deuxième. Là-dedans, il y a Suzuki, je pense. T'as Théodore, t'as Surrey, Subban, Suzuki, Gallagher, puis Pacioretty. Ça, c'est un sac brun rempli de marde, puis on crée un crissé le feu dedans. Puis il y a eu une couple de discussions un peu partout dans les médias dans la dernière semaine depuis que c'est sorti. Puis je suis d'accord pour dire Weber est un plus grand défenseur que Subban, mais pour Montréal. Puis au moment qu'ils ont joué, Subban est un plus grand défenseur. Puis je pense que c'est un peu un manque de respect envers Subban d'avoir mis Weber à sa place. Parce que Markov, aucune question. C'est lui le numéro un défenseur. Markov, ça a été. Non, on parle pas de l'ensemble de la carrière. On parle de qu'est-ce qu'ils ont fait pour Montréal à leur moment à Montréal. Markov, le général. Moi, je pense que. Le rink général. Mais je pense que Weber a amené quelque chose à Montréal que Montréal avait pas. La discipline, puis envoyer chier du charme. moi, je trouve que. Dans un moment où est-ce que le Canadien était pas si hot, Subban faisait vendre des tickets. Weber a rien fait fucking. Puis la preuve, moi, ce qui me fait confirmer ça, là, c'est que l'année passée, quand il avait pris sa retraite, il avait de la misère à se pointer une game à Montréal. Mais il était là, toutes les shows de Riné. Il était là, il est allé à Preds, le kit. Puis sa tête puis son âme était avec Nashville. Puis t'as le droit. Je peux pas changer ça. Sauf que Subban, son cœur est encore à Montréal. Weber, il était là. Puis ce gars-là, il a été malade. Il nous a fait vibrer comme un fou. Il a battu Boston en série. Il nous a fait vivre des émotions. Weber a battu Toronto en série. On s'en calisse. C'était pas un challenge tant que ça à ce moment-là. Puis le feeling n'était pas là. Weber était là en début de saison quand ils ont fait la présentation des joueurs. Là, il pleurait. Mais moyennement. Là. Il pleurait. Il avait des. Il était humide. Non, il était ému. Ce gars-là, il a donné son corps, man. Ils se sont tous donnés à la dernière saison, je t'accorde. Subban, il a peut-être. T'sais, il a été sensationnel. Le monde a acheté des billets, mais Weber, il a carrément sacrifié son corps. Mais je veux pas bâcher Weber, le corps du Christ, mais il était à fin de carrière. On l'a eu magané, mais défensivement, il était meilleur que Subban. Subban était plus spectaculaire. Weber, il était plus. Tu l'as dit, Subban, il lançait ses gants quand il se faisait plaquer. Ouais, c'est ça. 15 heures, très loin. Ouais, je m'en souviens de cet événement-là. C'était la dernière game avant qu'il se fasse échanger en plus. Fin de saison contre Buffalo, Pitchigan dans les airs. Puis dans le fond, aussi, je pense, je ne me souviens plus quand il s'est blessé, mais c'était de l'air. Puis tu sais, c'est un point de vue d'émotion parce que c'est ça, il a caractérisé les performances à la glace puis où est-ce que tu as amené l'équipe par rapport à l'émotion que tu as eue. Ça coûte, pour vrai, d'un point de vue joueur, qu'est-ce qui a amené à l'équipe d'un point de vue performance et tout. Il s'est toujours donné. Mais le gars n'a pas donné de résultat à Montréal. Mais on se pas sur pas le talent pour le faire. Mais Plekhi, c'est sa première ligne sa présence. Aussi. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai rien contre Plekhi, mais. Pas d'affaire, là. Mais je veux dire, mais on met qui à la place? C'est ça. C'était un défenseur. Il s'est donné pour le Canadien toute sa vie. Non, mais on met qui à la place? C'est un attaquant défensif. Toute sa carrière. Mais Plekhi n'a jamais été candidat pour le Celtic. Il n'a pas de choix dans ces années-là. Tu sais, Camilleri, Giunta, Pacioretty. Dano? Non, ils ont pas joué. Non, mais, non, mais pour vrai, j'essaie pas de faire. Mais pour vrai, quand on regarde qui qu'on met à la place de Plekky, first team. Mais déjà, je c'est juste qu'on a eu un 25 années de marde. Déjà qu'il y avait Pierre Turgeon. Comme, wow, il était pas là. Ah, c'est vrai, tabarnak. Je suis d'accord avec toi, j'aime bien mieux Pierre Turgeon. Yannick, Asti. Ouais, mais qui d'autre, Asti? Yann Bullis? Costume. Costume. Lequel? Gal Chenyok, Glenn Metropolite, Asti. Glenn. Hey. Costopoulos. Jean Clément, Glenn. Costopoulos. Hey, le petit Darnay. Darnay. Ah, Darnay. T'as hâte, Darnay. Darnay. Darnay a changé depuis qu'il sortait avec la fille de Musique Plus. D'accord, Isabelle. Isabelle Desjardins. C'est cool, c'est un beau. Marie Lozic. Non, c'est ça, mais il était plus pareil, Esti. Il a changé. Il est joué en Europe après. Il a changé, Esti. En tout cas, là, on est-tu rendu au call-out, là? Qu'on fait ça, s'il n'y a pas d'autres sujets, je dois m'expliquer. On y va pour le call-out. Ah, mais regarde, c'est parti, ma lettre, 22h22. Ah, je sais ton petit doigt. GF, les écouteurs. Is God is. Pendant que c'est un excellent moment. Tu as des absurdes après ça, puis des toiles d'araignée. C'est un bout qui n'a pas été utilisé. Hey, il est poussiéreux. Hey, oh my god, il y a une toile d'araignée ouais, dessus. Je l'ai vu tantôt, je l'ai laissé. Ah, c'est malade. Tellement longtemps que tu n'es pas venu qu'il y a une toile d'araignée sur le doigt. Vas-y, avec toi sur le doigt, Jeff. On va tourner la cam direct sur lui. Un petit peu. Ah, 4K. Ils sont même pas 4K. Mais c'est d'araignée pareil. Alors, ceci est pour tous les fans de Montréal. Je pourrais inclure les deux divas qui se sont assis au Centre Bell pour faire un meeting technique pour leur podcast qui commence le 28 janvier. Jeff Cromp et Metal. Non. C'est deux estitos de cul. T'en as un là-dedans qui se prend pour un rapper, puis l'autre, c'est un esti de Moumoun. Alors, toutes les fans de Montréal qui disait que le Canadien, ça avançait pas. Pat Denis, 66. Tout le monde qui voulait mettre Martin Saint-Louis dehors. Tout le monde qui disait que Slavkovski, c'était un flop. Que Kirby Dock, c'était un flop. Que Suzuki, travaillait pas. Que Caulfield, c'était un si. Que Motombo, il est bon. Elle est toute chier, man. Aujourd'hui, les performances du Canadien de Montréal vous montrent que vous êtes une petite gang d'imbéciles. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas au club, puis tout d'un coup, soudainement, ils se mettent à gagner, puis là, vous vous dites « Ah, Montréal, esti! » Puis vous mettez des émojis de coupe de vin, tabarnak. Il n'y a personne qui boit du vin quand on écoute le hockey, calice. Tu viens d'où, sacrément? Ça paraît que tu as 50 ans passé, esti. C'est pas parce que tu prends pour Mario Lemieux que tu dois croire que tu penses plus aux autres. En plus, quand je te lis, là, tu fais plein de calices de fautes d'orthographe, tabarnak. Tu es un esti attardé. Tu sais-tu comment ton clavier fonctionne sur ton téléphone? Puis ça, je parle à toutes les hosties partisans là, qui disaient que Montréal c'était de la merde, puis là ils sont en train de danser, ils vont gagner la coupe, ils ne gagneront pas en coupe cette année, puis vous allez revenir sur votre décision pour dire que Montréal c'était de la merde. J'envoie tout chier les hosties fafanes, incluant les gens des médias, dont le style gros lard qui porte une chemise pour Ralph Lauren, le style en direct à TV de couleur noire avec des lunettes monture noire, puis qui porte un petit casque de gars qui joue au golf des années 50, mais que dans le fond, t'as l'air d'un esti de gland. Ce gars-là, là, c'est un esti animateur-là qui veut juste dire de la merde. Puis même Saint-Louis, il a répondu pour lui dire « Moi, j'écoute, moi je prendrai pas les conseils de ceux à qui que je fais pas confiance. » C'est de quoi de genre? Mais quand je l'ai lu, cette affaire-là, je suis quasiment venu, tabarnak. C'est Luc Gélina, ça? Non, c'est pas là que j'ai une. Chris, que si t'en regardes là, t'en regardes des photos, esti, de Marie Lezic. Ça m'a mêlé un peu, mais... Come on, esti, là. Êtes-vous partisan du Canadien de Montréal ou vous êtes contre le Canadien de Montréal? Quand il gagne, vous êtes pour. Quand il gagne pas, vous êtes contre. Allez, tout chier, man. Je les envoie tout chier. Même ceux qui sont pour reconstruction, là, puis là, sont semi-fâchés parce que le Canadien se met à gagner. Puis voyons donc, c'est pas normal. Ils sont déçus que le club gagne. Vous devriez être fiers que le club gagne. Quand tu prends pour un club, t'es content qu'il gagne. Je vous recommande la télésérie Welcome to Wrexham avec Ryan Reynolds puis l'autre gars qu'on sait pas si qui bon, j'aime pas si hey, fait de l'argent. Hey, là. Ron McKinney. Ron McKinney, ce gars-là, là, écoute, ça c'est vraiment bon puis c'est inspirant bon, parce que tu vois comment qu'on rebâtit un club. Puis je pense que Jeff Gorton et Kent Hughes bâtissent un bon club puis présentement ça fonctionne. L'année prochaine, ça se peut qu'on fasse pas les séries. Puis je vais faire un petit shout-out aussi à Samuel Montembeau. Félicitations, Samuel. Tu as montré que tu peux remplacer Jack Allen. Bravo. Tu as une moyenne de André Rascico. Puis d'après moi, profite-en ainsi que ton contrat de 3 ans. J'espère pour toi que tu vas arrêter les rondelles d'un pratique pour Team Canada, mais je serais extrêmement surpris que tu sois gardien numéro un. Je ne veux pas te décevoir, mais ça n'arrivera pas. Tu as été choisi par défaut parce qu'il n'y a personne d'autre. Et puis, je ne crois pas que Montréal va se rendre en série tout simplement parce que j'ai rien contre toi. J'ai rien contre toi. Mais c'est pas toi qui va faire gagner la Coupe Stanley à Montréal. C'est pas toi, Sam. C'est pas toi. T'as-tu compris? Fait que, bref, les gars, je suis content d'être revenu. Je suis content que le Canadien gagne. Fuck les faux partisans. Fuck les vieillards. Fuck tous ceux esti qui pensent qu'Ottawa, c'est un meilleur club que Montréal. Fuck everything that you stand for. Parce que Ottawa, c'est une risée. Puis, écoute, je l'admets. Là, puis là, je vois aussi que les... En plus, les fans d'Ottawa sont un peu plus genre gentils que les fans du Canadien parce que là, soudainement, on gagne, ils sont contents. Mais ils font pitié en tabarnak. Il n'y a pas un esti joueur autonome qui va aller là-bas. Oublie ça. Là. Ah non, c'est fini, man. C'est fini. Puis Brady Tkachuk, là... Excusez-moi, mais ce gars-là a l'air d'un vilain dans Donkey Kong Country. Alors, c'est vrai. C'est vrai qu'il est là à tabarnak. Ce gars-là, il sort de l'anus de sa mère. Wow. Calisse. Mathieu Tkachuk. Wow, que je ne l'attendais pas. Quand on regarde Mathieu Tkachuk, là, tu sais, c'est un bel homme. Ce gars-là, je le prends dans une comédie. Un bel homme. Ce gars-là, je le prends. Non, c'est vrai, il y a une, il y a une chevelure de gars qui fait des annonces d'Ellen Shoulders. Ils sont un peu longs, sont bien peignés. Quand ils sont mouillés, ils paraissent bien. Il y a l'air d'un surfer ici, pas dans Breaking Bad, là, mais dans le film avec Patrick Swayze. Là. L'autre, c'est un mélange entre genre Denis la menace puis le monstre dans les Goonies. Là, oui, si, Chris, les deux sont pas pareils. Puis la fois qu'il a imité Lane Hudson puis qu'il bougeait sa tête de main, je l'imaginais en train de baiser ce gars-là. Là. Puis écoute, il est tellement laid. Ou le petit monstre. Là. You're coming to live with me. C'est ça que t'es rien de l'imaginer à une baiser. Ben, tu sais, quand Brady Tkachuk, il bougeait sa tête de même, là, puis il imitait Lane Hudson parce que Lane Hudson le déjouait, puis il voyait rien, puis il saignait du nez. Mais j'ai l'impression que sa femme, quand elle voit au-dessus de elle, c'est ça qu'elle voit. Face. C'est genre. It's old face, c'est ça que tu parles, c'est ça? Ah non, asti, man. Puis, tu sais, quand tu regardes son. Tu sais, dans le fond, son père paraît bien, son frère paraît bien. Fait que j'ai comme l'impression que Brady ressemble plus à sa mère. Mais tabarnak, man. Asti, là. Ouais, ce gars-là, là, échangez-le avant qu'il soit trop tard, il va crisser son camp aux States, man. C'est un gars, asti. Échangez-le avant qu'il soit trop lette. Ouais. C'est ça. Il est déjà trop tard. Plus ça va, plus ça sent. C'est ça. All right. Il est même pas dans le top 50 des marqueurs. Hey, on a Brady passé Tkachuk. D'un call-out du Canadien à Brady Tkachuk puis la mère à Brady Tkachuk. C'est ça, un call-out. Quand tu regardes les contacts, c'est à la téléphone de Corey Perry, c'est sûr que la mère est pas là. That's why. Tu vas être traîné à Ottawa, il va jamais la fourrer, celle-là. Mais non, puis qui c'est qui. Le monde à Ottawa, là, je ferai un sondage. Est-ce que vous payez pour aller voir Brady Tkachuk jouer, là? Brady Tkachuk. Tabarnak. Il n'y a même pas une face de superstar. Je ne le mettrais même pas dans un plateau publicitaire, un piano publicitaire. Tu sais, genre le gars qui dit venez chez McDo, esti, sacrement, man. Il y a une face de. C'est pour ça qu'il n'a pas son burger. Ben ouais. Non, mais. Ah non, man. Si je regarde, là, right. J'ai un dégoût, esti. Il est en crise. Puis en plus, il est frisé, esti. Voyons est donc, man. Ses cheveux, là, c'est la même texture qu'un poil pubien. Tabarnak. Il a l'air d'un poil pubien. Mm. Il a une tête de poil pubien. Ouais, puis on sait même pas s'il est blond ou châtain. On n'est pas capable de faire une décision là-dessus. Il est quoi? Roux? Non, il est pas roux parce que s'il aurait été roux, là, il y aurait eu des taches de rousseur. S'il y aurait eu des taches de rousseur, il y aurait eu l'air. On va se donner un mot pour y penser. De la mascotte dans Mad Max, là, tu sais, la revue. Là. Mad Max. Là, moi, le magazine Mad. Mad Magazine. Puis Maxime. Mad Max, c'est un film. C'est deux revues bien différentes. Tout ça est confus. Mad Max. Moi, non, là, tu te dis. Mad Max. C'est un excellent moment pour plugger les trois derniers shows qui restent de saison. Donc, on se dit le 21 février, le 21 mars et le 18 avril. Donc, on sera pas là. Si, 22 jamais, si par miracle on fait les playoffs, on verra rendu qu'est-ce qu'on fait. Mais voici les trois dernières dates de la saison. C'est bon. Si vous voulez nous on supporter avait... en ouais. nous donnant du Mad Patreon Money ou du whisky, ouais. On prend des dons en whisky. On prend du Toki. On prend votre Toki. Whisky. Rien en bas de ça. Rien en bas de ça. Rien en bas de ça, sinon mange la merde. C'est ça, vous. Mais ouais, Monseigneur Neveu ou Power Jeff 999. Ouais. Paye, esti. Paye, le gars qui a donné 50 ans, il a payé déjà par Jeff. Respect, buddy. Tu payes, on vous aura un spectacle. Si tu payes pas, t'auras pas de spectacle. C'est voilà. Un show privé dans le Champagne Room. Et voilà, fait qu'on s'en va dans un mois. Champagne Room. Bye tout le monde. Chance qu'on mange pas que ta façon de faire. Ciao.